Alors, ce que tu avais attention, c'est ce graphique-là, n'est-ce pas? C'est la cité à 12 portes. En haut, il y a 5 portes. Et en bas, en tout ça, il y en a 12. Hein? C'est le corps physique et le corps intérieur. Ouais. Alors, les 12 voies d'accès à l'être intérieur, pas besoin de vous dire ce que c'est. Quant aux 7 voies d'accès du corps intérieur, vous avez les deux narines, la bouche, les deux oreilles, les deux yeux. Hein? Et le reste de l'anatomie, la Judée, quoi. Judée, la Samarie, comme on disait autrefois, il y a 5 autres portes qui sont les autres voies d'accès. Alors, à mesure qu'on va poursuivre cet enseignement, vous allez comprendre ce que ça représente, ces voies d'accès au corps intérieur. Et alors ça, c'est donc la croix sertie dont il a été question la croix bijoutée, oui. Dans la première initiation théocristique. Exactement. Sur la méditation. Ça représente les chakras avec les sens spirituels qui sont éveillés dès que ces chakras sont mis en mouvement. Alors ces chakras-là sont des tourbillons d'énergie qui existent véritablement. On peut pas les photographier, mais on les voit. C'est dans le corps spirituel qu'ils existent. Ce sont des tourbillons d'énergie. Et le premier dont vous êtes conscient, c'est après que vous avez irrité votre glande pinéale, le chakra christique, le centre christique ici, la glande pinéale. Là, la connexion se fait avec la glande pituitaire, la fontanelle. Et dès que ces deux glandes-là sont éveillées, vous avez accès à tous les autres chakras qui sont échelonnés tout le long de l'arbre de vie. Alors vous êtes conscient de leur mouvement. Vous les sentez vibrer véritablement. Vous sentez une énergie au point cardiaque, à la gorge, et tout le long de l'arbre de vie. Alors ça, c'est quand cette arbre de vie est éveillé, ben, alors la sève monte jusqu'au champ christique. Et ceux qui ont subi cette application d'huile solaire sur la glande pinéale ont dû déjà constater qu'ils étaient conscients de leur champ magnétique ou de leur aura. Plusieurs ont dit, oui, j'en suis conscient, dès que je me ferme les yeux et que je me pacifie, je suis conscient de celui-là. Et dès que celui-là est bien éveillé, bien irrité, là, vous sentez que votre périphérie n'arrête pas à la limite de votre os crânien. Vous sentez que votre tête est entourée d'une nimbe ou d'un halo. Vous le sentez véritablement, un champ de force qui vous entoure. Et ce champ de force-là descend tout le long de l'épine dorsale pour éveiller, vous rendre conscient de tous les sens qui sont échelonnés là. Alors, c'est la première conscience du corps christique en vous, ça. Et quand ce corps-là est vraiment éveillé, le reste survient par surcroît. Alors, c'est le but ultime auquel on vise, d'éveiller ces centres endocriniens, comme la chimie les appelle, la physiologie les appelle, ce sont les chakras, véritablement. Alors, ils existent, pareil comme tous les autres centres existent. Alexandre, pour le bénéfice des gens qui ne sont pas là ce soir, puisque ça avait été annoncé pour le 15, cette conférence-là, qu'il y a bien du monde qui n'ont pas pu être prévenus à temps, qu'on l'avait avancé d'une semaine, est-ce que vous pourriez nous faire la description physique de la croix pour que ça reste sur la cassette pour les gens qui vont se la procurer? Voici, physique. Comme vous constatez, ce sont des bijoux. Au centre théocristique de l'Arizona, l'original est fait avec des bijoux véritables qui a été fourni par plusieurs donateurs. Alors on a sur un fond violet, un fond violet qui est le plus haut point de la lumière solaire, n'est-ce pas? Quand votre corps astral est bien éveillé, alors vous êtes entouré d'un champ magnétique d'abord blanc, hein, c'est le champ vital, ensuite ça violacé et orangé. C'est pour ça qu'on a mis la croix orangée et le violet qui l'entoure. Vous sentez, vous vous voyez véritablement comme un gros œuf de lumière violacée. Pas aussi violet que ça, mais on l'appelle magenta ou ultraviolet. Hein. Alors ça représente le fond de votre corps astral et ça exactement l'arbre de vie avec ses ramifications. Bon, alors est-ce qu'on peut commencer par le haut de la croix, ensuite les branches? Le haut de la croix représente ici le kéter, la couronne, le centre pituitaire qui est logé ici. C'est le premier centre qui est éveillé à la naissance parce qu'on a constaté, ceux qui ont assisté à des naissances, que le crâne d'un enfant naissant est ouvert, n'est-ce pas? Alors ce centre-là, la fontanelle, se ferme. Mais c'est lui qui éveille tous les autres centres qui sont échelonnés tout le long de l'arbre de vie. Ensuite de ça, tous les autres centres se développent parce qu'ils ont commencé leur développement dans la période embryonnaire et les autres se développent également. Alors, on a l'habitude de croire que l'on a 5 sens. En réalité, on a 4 sens seulement. Puis ces sens-là sont tous dans la boîte crânienne. L'ouïe, l'odorat, la vue et le goûter. Tant qu'à la sensation, le sens du toucher, ce n'est pas un sens parce que le corps tout entier est sensitif. On peut aussi bien avoir une sensation en touchant avec notre avant-bras que touchant avec nos doigts. Donc la sensation ou le sens du toucher n'est pas un sens, c'est une faculté. Alors il y a le sens du désir, l'élan vital, et la sensation qui est l'adaptation à l'environnement. Alors, ce sont les quatre sens qui sont développés avec l'éveil de la couronne. Alors, ici. En haut, sur la croix, c'est Keter, la couronne. C'est Keter. Donc, ça, c'est représenté par quel genre de joyau, là, en réalité? Par un joyau vert, l'émeraude. Une émeraude. Ouais. Une émeraude, alors. Oui. Et sur les branches aussi, deux émeraudes. Sont émeraudes aussi. C'est deux émeraudes. Alors, deux émeraudes sur chaque branche. Et ceux-là sont des rubis. Sept rubis. Et au centre, un diamant. C'est le corps de diamant. Ouais. C'est le corps de diamant. C'est le centre cardiaque au centre. Ouais. Alors, on va vous donner un manuscrit d'une dizaine de pages. Je pense qu'ils vont vous décrire chacune de ces choses-là. Mireille est en train de les photographier, de ne pas les copier. Là. Alors, ça fait partie de votre documentation. Alors, la croix est utilisée là, dans les exercices de méditation et de concentration. Méditation et concentration, véritablement. Bon. Je pense qu'on avait vu ça dans l'enseignement de la première initiation christique. C'était tout le processus de travail à partir de cette forme. On l'appelle le chemin de la croix. Ce n'est pas parce que ce rituel-là est adopté par l'Église catholique, mais il est plus ésotérique que le chemin de la croix ordinaire. C'est pas le cheminement de la croix, c'est le chemin. Alors, vous allez avoir la documentation qui va vous renseigner sur la manière de méditer et comment interpréter l'effet de chacun de ces chakras, de ces centres d'énergie qui vont se développer en vous. Et la première faculté que vous devez développer, c'est celui-ci, c'est l'œil central, l'œil christique, comme on l'appelle parfois, l'œil pinéal. Dès que ça s'est éveillé, c'est irrité par l'inhalation du sel ou bien l'application de l'huile, là, vous sentez les autres sont éveillés. Celui-là contrôle tous les autres centres. Il contrôle le centre de la gorge, le centre créateur, contrôle le centre cardiaque, le centre solaire, le plexus solaire surtout, et tous les autres. Alors, ceux qui n'ont pas eu l'application d'huile, savent pas exactement dont il s'agit. Mais ceux qui l'ont eu, puis qui ont fait l'exercice qui consiste à se déboucher les tambours des oreilles et respirer par la gorge, en relevant vos yeux à la glande pinéale ici, savent qu'il se passe quelque chose dans votre tête. Votre aura, votre champ magnétique se dilate de la même manière que les tambours des oreilles sont ouvertes, sont dilatés. Parce que ces centres-là font partie de votre corps astral ou de votre corps spirituel et se développent et restent tout autour de vous en permanence par la suite, au lieu de rester gelés ou enfloués au centre de votre corps. Alors, ils sortent, vous pouvez les contrôler par la respiration. En respirant bilatéralement par les deux narines, là, vous sentez que votre corps se dilate. Tout votre corps. Ce n'est pas rien que vos oreilles qui se dilatent. Tout votre corps. Tout dans l'épine dorsale. Là, vous dites, là, je m'étends à la ronde tout autour de moi. Finalement, vous avez conscience. La réalisation, vous êtes un champ de force, un champ de lumière, un champ d'énergie qui entoure toute votre anatomie. Alors, dès que vous êtes conscient de ce champ de force-là qui vous entoure, vous pouvez le contrôler à volonté et le diriger à volonté pour des fins bienfaisantes. Vers autrui. Alors, il se passe des choses que ce n'est pas difficile, n'est pas facile à décrire adéquatement, mais il se passe des choses. Dès que vous émanez ce corps et vous l'irradiez, on pense à vous, malgré nous. Signifie-moi une projection de vous-même vers une personne avec laquelle vous êtes en affinité ou en sympathie. Même dans certains cas, on a vu des gens dire « il se passe quelque chose », alors faire le silence, oui, très bien. « Madame, un tel pense à moi. Je n'ai qu'à faire le silence. Je l'entends penser. » Si, par exemple, elle verbalise ses pensées, au lieu de penser vaguement, simplement, elle prononce des paroles intérieurement, vous l'entendrez parler. Pareil comme une radio très bas. Vous l'entendrez parler. Je, oui, très bien. Continuez, je comprends. Alors, vous êtes ouvert. Votre champ magnétique est vraiment ouvert. Là. Hein? Votre appareil est ouvert. Vous captez toutes ces ondes-là. Puis vous pouvez les émettre également. Alors ça, c'est le but ultime, d'éveiller ce champ de force que vous êtes, hein, à travers la stimulation de la glande pinéale d'abord, et tous les autres centres qui vont. Alors, les exercices que j'ai recommandés, c'est important de faire assez fréquemment, jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire sans difficulté, qui consiste à vous ouvrir la tête, ni plus ni moins, tous les chakras de la tête, les deux, celui-là ici et celui-là qui est là-haut, hein, le pinéal, le pituitaire, et ensuite ça, celui de la gorge, celui du cœur et le plexus solaire. Tout ça, ça viendra. Alors, on va entamer ce chapitre-là qui a pour titre « Le standard et la dimension parfaite ». Alors, c'est certainement un des plus ardus, je trouve, qu'on va aborder. Il est un peu ardu, mais tout de même, c'est important parce que on vise un standard universel, le standard de l'être humain. Quel devrait être le modèle de l'être humain? Alors, on dit précisément ce que c'est. C'est l'entité christique qui réside en nous, que l'on doit éveiller. On doit absolument passer par la compréhension de ceci, même si c'est tardé. Oui, c'est tardé un peu. On comprendra plus tard pourquoi il fallait passer par ça. Pourquoi c'est universel maintenant. Il y a des standards pour tout. Les standards monétaires, c'est l'or, mais les standards humains, c'est l'orocristique. Hein? Bon. Ouais. OK, alors on va commencer. Comme d'habitude, je vais lire un chapitre et puis vous allez faire un commentaire aussi. Alors jusqu'à présent, dans notre discussion, nous avons déjà indiqué la nécessité d'établir une unité de mesure qui décrit exactement la quantité et la qualité des services rendus et de la richesse produite. Nous n'avons donné aucun nom particulier à cette unité, puisque le nom est relativement peu important en tant que tel. Puisque cette unité ne sera pas confondue avec aucune autre pièce de monnaie, on ne saurait l'appeler un dollar, une livre, un sicle, un ergue ou une obole. Il serait possible de l'appeler un talent, parce que ce terme n'a pas seulement une dérivation biblique, mais il décrit aussi dans notre langage moderne le sens par lequel il prit corps. Bon, voici. Alors, si on emploie le mot talent, qui a une connotation spirituelle également, alors notre but dans la vie, c'est de faire valoir nos talents, n'est-ce pas? Il y a bien des références bibliques à ça, dans les Upanishads aussi bien que dans les Évangiles. Alors, mettre nos talents à profit, ne pas les laisser s'enfouir en nous. Alors, ce talent, c'est simplement cette réserve d'énergie spirituelle qui gît à l'état latent en nous, que l'on doit éveiller et la faire profiter en l'investissant dans tous les actes de notre vie. C'est ça que notre auteur veut dire. Par l'exercice des talents de quelqu'un, ses aptitudes, les talents, l'expression économique des aptitudes dans le service, sont créés. Le soi est ainsi homologué à l'environnement. L'intérieur devient la mesure de l'extérieur. De cette équation, avec son dénominateur commun, apparaît déjà une formule scientifique dont le fondement est simplement déclaré dans Marc. Alors j'ai ici la référence biblique. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Donc ça c'est dans l'évangile de Marc. Oui. Comme vous allez constater, à mesure que l'on progresse, et que vous avez dû le faire dans le passé, cet enseignement-là, on l'appelle théocristique parce qu'il est basé sur l'enseignement du maître, hein? Celui qui convient le mieux à notre lignée judéo-chrétienne. C'est tout l'enseignement de Jésus de Nazareth avec les vérités spirituelles qu'il a énoncées au moyen de ses paraboles et qui a été relatées par les évangélistes. Alors, car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Justement. Alors, une valeur quelconque laissée en léthargie, non seulement elle diminue, mais on faut lui enlever parce qu'elle ne sert à rien. Alors, ils disent ici, soyez certains de bien étudier cette section, car elle révèle une des grandes vérités de la religion chrétienne. Il est impossible pour l'humanité de bâtir un système économique qui perdurera sans établir en premier lieu certains standards et mesures immuables qui sont aussi définitifs que l'esprit humain puisse le concevoir. Notre monde moderne n'a pas encore découvert tous les standards et mesures fondamentales conçus, tous les standards et mesures fondamentales qui sont au-delà de la fluctuation, bien que la science ait conçu certaines déterminations qui sont maintenant considérées comme étant fondamentales, particulièrement dans le domaine de la physique et de la chimie. Toutefois, avec tous les progrès qui ont été faits dans le champ des sciences naturelles depuis le XXe siècle, dans le domaine de l'économie, comparativement durant cette même période, un progrès presque insignifiant a été fait. Bien que l'économie soit une science aussi valide que la physique ou la chimie, la seule raison pour laquelle elle n'ait pas été acceptée comme science et pratiquée comme une vérité est parce qu'elle a été liée aux philosophies politiques dont les buts sont de contrôler la vie économique des individus, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et voici. Alors, ces talents, c'est notre devoir, mais c'est notre privilège de les exercer et d'en faire bénéficier notre environnement. Alors, nous avons été mis sur Terre pour une fin. On aura beau dire, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien, ce n'est pas vivre, c'est simplement vivoter. Alors, c'est là que les talents doivent s'irradier à la ronde. Autrement, on ne vit pas du tout, on est des embûches pour le reste de nos Donc, on a à développer toute notre dimension créative, tout le potentiel de créativité. C'est pour ça que l'on veut atteindre le critère idéal, le barème d'être-té total, qui est la conscience christique. C'est le critère de l'homme, ça. Tant que l'homme n'a pas été christifié, qu'il n'a pas réalisé son essence solaire en lui, dont la fonction est de s'irradier à la ronde, de produire le V, provoquer le V partout, l'homme n'a pas vécu. Exactement, il doit revenir maintes et maintes fois. Autrement dit, il n'y a que le Soleil qui n'évolue pas dans le système planétaire. Toutes les autres planètes sont sujettes à des mutations, des transformations. Justement. Mais le Soleil, c'est la mesure de l'esprit. Lui. Justement, et tout révolue autour de lui. Lui n'a pas évolué, il n'a que s'irradier. Quand il a terminé son temps, là, c'est fini, il disparaît. Là, il retourne à la maison du Père. Là, tandis que les autres sont obligés de passer par des mutations, les autres planètes. Oui. Un médium d'échange ne subissant aucune fluctuation fera plus pour l'humanité de façon constructive que toutes les unités de mesure qu'une règle droite ne subissant aucune fluctuation. Mais aucun pays dans le monde n'ose adopter une telle unité de mesure économique ne subissant aucune fluctuation à cause du retranchement des idéologies qui est basé sur un privilège spécial. On parle d'un étalon de valeur générale, mais les mathématiciens malthusiens. Bien d'autres ont essayé de trouver un étalon de valeur pour tout ce qui existe dans l'univers, mais c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Alors, les lois de relativité qui avaient tenté à exposer ça mathématiquement, je ne dirais pas qu'ils ont failli, mais ils n'ont pas encore été mis en application. Alors, on ne peut pas tout réduire à un seul critère ou à un seul étalon de valeur. Quant à nous, pour l'étalon de valeur, ça sera l'être-té véritable que l'on est à notre insu et développer la conscience de notre réalité christique ou solaire. Là, on irradie, on évolue, au lieu de simplement révoluer ou piétiner sur place, comme la plupart de nous faisons. Il faut considérer le fait que l'opération d'un système économique est, sans exception, le plus puissant facteur de l'éducation humaine. Aucun autre facteur dans toute existence humaine n'exerce une telle influence sur le comportement personnel et sur la conduite d'un groupe, financièrement et psychologiquement, que celui de l'impact des considérations et des motivations économiques. C'est pourquoi l'étude de l'économie avec ses implications karmiques est le commencement de toute vraie étude philosophique. Comprenez le karma à la lumière des mathématiques économiques et inversement, des mathématiques économiques à la lumière du karma, et vous acquérez ainsi une fondation en philosophie sans laquelle rien d'autre n'a d'importance. C'est précis. À la base de toute initiation, de toute religion, et de tout programme, de toute méthode d'amélioration de la race, c'est une économie bien partagée, n'est-ce pas? La religion, c'est de relier l'individu avec chacun de ses congénères et de relier la terre au ciel. Alors, ça, c'est une économie totale, hein, pour répartition générale. Afin d'établir cette fondation, on devra considérer une base adéquate pour un système de standards et mesures de dérivation cosmique. D'où l'obligation de noter certaines définitions et perspectives historiques qui furent acquises avant que ce nouveau système ne soit perceptible. Le mot « standard » fait référence à un modèle parfait dont la qualité est telle qu'elle le rend idéal pour comparer avec n'importe quel sujet ou objet inconnu sous considération. Le mot mesure, bon, on va s'arrêter là déjà, simplement sur la définition du mot qualité. Alors, si on prend comme le standard, le critère de l'excellence humaine comme le Christ, alors on va dire l'idéal de l'être humain, c'est d'être christifié, devenir ce qu'il est à son insu. Alors, à travers tout son cheminement, il n'aura d'autre intention que de se diriger vers cette conscience solaire qui devra irradier à la ronde pour devenir véritablement un être humain, pas simplement un nominal, un bipède pensant. Alors là, il devient un soleil dans son environnement, une réplique de l'énergie solaire. Être christifié, ça veut dire être pleinement conscient? Pleinement conscient de l'énergie solaire que l'on détient à notre insu. Alors, ce n'est pas sans raison que je l'ai dit plusieurs fois que les anatomistes ont décrit le centre solaire comme le plexus solaire, n'est-ce pas? Alors, la fonction du plexus solaire, c'est de convertir l'énergie qui vient du très haut, du soleil, en énergie humaine. Mais en énergie humaine sous la direction de l'esprit humain. Hein? Et l'esprit humain, ce n'est pas simplement l'esprit collectif ou l'esprit social. C'est l'esprit sublimé. Hein? Alors, ça, c'est le but, c'est d'atteindre ce standard, ce modèle que l'on cherche à atteindre, à devenir. Hein? C'est l'imitation de notre modèle que l'on cherche à atteindre. Le mot « mesure » fait référence à une dimension parfaite dans la capacité d'exprimer la quantité et telle qu'elle la rend idéale pour marquer la différence entre les grandeurs, les distances ou les volumes. Oui, maintenant, faire un unique barème ou un unique étalon de valeur qui aurait trait à l'espace aussi bien qu'au temps ou aux distances, aussi bien qu'aux durées, ça serait pratiquement impossible. Mais si on a la conscience que tout doit se résumer à une seule réalité, la réalité c'est la vie solaire, la vie christique, hein? Alors là on a tout homologué et tout englobé dans notre intention et dans notre cheminement à travers la vie. Je veux dire, mon but dans la vie, c'est d'irradier, de m'irradier, pas comme le soleil s'irradie dans tout ce qui est existant sur la vie organique. Devenir un soleil. L'homme est un, je le disais, c'est une étincelle du brasier solaire, et l'étincelle doit s'irradier elle-même et unifier tout son environnement. Puisque nous avons déjà désigné l'esprit comme étant de caractère qualitatif et la matière comme étant de caractère quantitatif, nous pouvons voir prestement qu'une fois qu'une correspondance a été tirée entre les deux, un nouveau et un meilleur système de mesure aboutira, qui demeurera avec l'état progressif de la nouvelle humanité. Alors, on ne peut pas homologuer la quantité avec la qualité. Ce sont deux valeurs qui ne sont pas diamétralement opposées en réalité. Mais quand la quantité est devenue totale, alors là, elle atteint la qualité suprême. Ça, c'est pour le rendement de l'homme aussi bien que pour son cheminement à travers la vie. Hein? Alors, que la quantité d'énergie, la quantité d'expérience que l'on acquiert au cours de notre cheminement améliore sa qualité, là, on devient vraiment radiant. Alors, on n'est plus question d'être quantitatif, nous sommes qualitatifs. Nous avons atteint ce standard de vie qui est de s'irradier à la ronde. L'expérience devient de l'expertise. Exactement, oui, c'est précis. Ce n'est pas sans rapport que nous indiquons ici qu'un type similaire de correspondance est maintenant tiré entre la gravitation et l'électromagnétisme dans le domaine de la physique, et qu'une simple formule unifiée expliquant l'opération de ce phénomène de dualité a été découverte. L'unification graduelle de concepts divers tels que ceux-ci fourniront la preuve croissante qu'il n'y a pas d'extrême irréconciliable dans la nature. Alors, les deux extrêmes doivent se réconcilier dès le début par le simple fait qu'ils sont deux aspects d'une même réalité, une réalité unique. Alors, c'est les deux pôles opposés d'une unique réalité. Et quand l'homme réalise cette conscience solaire, il devient conscient de sa nature solaire, là, il n'est plus question de réconciliation parce qu'il est unifié, totalement unifié. Pouvez-nous parler en détail un peu plus peut-être de la gravitation et de l'électromagnétisme? Oui, voici. Qu'est-ce que c'est qu'il veut dire? La gravitation, on a tendance à dire c'est le haut et le bas, n'est-ce pas? Mais en réalité, aux antipodes, il y a de la gravitation aussi, c'est le bas et le haut qui deviennent inversés, n'est-ce pas? Alors la gravitation, c'est tout dirigé vers le centre de la Terre, hein, vers le centre de l'univers, vers le centre de notre être aussi. Et l'électromagnétisme? L'électromagnétisme, c'est l'affinité qui est entre deux forces opposées. Si elles sont de même nature, elles se repousseront. Hein? Alors, dans le magnétisme, ça veut dire le magnète ou l'amour cellulaire, l'amour atomique qui existe en toutes les entités matérielles. Hein? Alors, c'est exactement la même chose, seulement c'est faire la réconciliation des deux. La réconciliation se fait par deux pôles opposés. Vous dites, si elles sont de même nature, elles se repoussent. Oui, elles se repoussent. Comment se fait-il qu'on cherche l'âme sœur à ce moment-là? On ne devrait pas la chercher. C'est parce qu'elle est en nous. Elle est en nous. On cherche l'âme sœur pour qu'elle éveille en nous. Alors, notre compagne éveille cette femme qui est à l'état latent en nous. Et inversement, pour la femme, l'homme éveille le mort qui est à l'état latent en elle. Hein? Alors, l'âme sœur, c'est l'âme jumelle. Hein? C'est son complément. Hein? Mais il existe déjà à l'état latent dans les deux sexes. Avant que nous entrions dans les méthodes plus modernes de mesure du poids, de la distance et du volume, je savais que ça serait aride, hein? Oui. Il serait bien de considérer les méthodes de mesure utilisées par les anciens Israélites. Oh, c'est là qu'il y en a des termes, hein? Oui. C'est presque pas traduisible, oui. Mais enfin, on va passer au travers, on a dit qu'on passe. On a dû prendre une référence dans la Bible parce qu'il n'y a pas de terme dans le langage moderne pour traduire ces termes-là. Le seul qu'on a dit qui existe universellement, c'est le talent. C'est une pièce de monnaie également. Oui. Alors, ces mesures constituèrent le moyen le plus simple possible qui fut établi pour faire des comparaisons quantitatives et servèrent très bien leur but pour lequel elles avaient été intentionnées, puisqu'elles dérivèrent de sources naturelles ayant le moindre degré de fluctuation connu en ces temps. La prêtrise estimait le poids en tenant compte du nombre de grains d'orge pris au centre d'un épi. Le mot « guéra », le plus petit de ces poids, signifiait une fève ou un grain. Le guéra, en ces temps, était l'équivalent de 11 grains en argent. Donc vous voyez qu'on a conservé ces termes-là, on a des grains, des drachmes, hein, toutes ces choses-là, c'était des poids de céréales quelconques, ça. Puis on a toujours conservé ça. Diguer. On peut dire aussi également, on a le pied de roi, comme Mireille disait quelque temps, il y a un item qu'on n'a pas pris, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le nez de Cyrano? Un pied de roi. La péninsule. Diguera faisait un béca, ou 110 grains. Deux béca étaient l'équivalent d'un cycle, ou 220 grains. 50 cycles comprenaient un manet, ou 11 000 grains. Et 60 manets étaient l'équivalent d'un talent, ou 660 000 grains, tout en argent. Aujourd'hui, on a des boisseaux, hein. C'est le volume. Ce n'est pas la pesanteur. C'est le volume des choses. Mais c'est basé sur des denrées alimentaires. Sur des céréales, ces choses-là. C'est impermanent, ça. Le chef de file des unités de ces poids était le cycle. Tout autre poids était régularisé par ce standard. Le poids le plus lourd utilisé pour déterminer la valeur de l'or et de l'argent était le talent ou kikar. Voyez le Lévitique. Oui, c'est dans Lévitique. Ça, hein. Le... Toute estimation sera faite d'après le cycle du sanctuaire, c'est-à-dire 20 guéras au cycle. Ça, c'est dans le Lévitique. Dans le Lévitique, oui, forcément. Okay. Alors, c'est de là que viennent toutes ces mesures, ces poids et mesures, en réalité. C'était basé sur des choses de la nature, hein, qui ne fluctuent pas. Alors, il y a d'autres références ici à la Bible. Dans l'Exode 38, un béca par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour tous ceux qui étaient assujettis au recensement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit 603 550 hommes, ok. Dans Ézéchiel, où on reparle encore de ces unités de mesure, le cycle vaudra 20 guéras, 5 cycles seront 5 et 10 cycles seront 10. La mine aura chez vous 50 cycles. Et si on a conservé encore deux critères de mesure, la mesure qu'on peut avoir du poids, n'est-ce pas? Puis l'autre, les mesures 3. Si je vous donne une livre de mercure, ben, ce ne sera pas 16 onces, ce sera 10 onces de mercure. Hein? Hein? Ah, je vous crois sur parole. Ah, oui, parce que ce n'est pas le même critère qu'on emploiera. Oui. On appelle ça les mesures 3. Alors que l'autre, j'achète du sucre, ben, ce sera les mesures à avoir du poids, comme on dit. OK. Hein? Donc, alors, il y a ici une autre référence à la Bible. Ça c'est donc dans Chronique. David prit la couronne de Melkom de dessus sa tête, elle avait le poids d'un talent d'or. Il y avait en elle une pierre précieuse. Celle-ci fut placée sur la tête de David, puis il emmena le butin de la ville en très grande quantité. Okay. Alors, tous ces termes de poids et mesure dérivent de cette civilisation-là. C'était pris d'après les lois de la nature, les poids de la nature et les mesures naturelles. Le standard de valeur, entre parenthèses la qualité, était indiqué par le poids, entre parenthèses la quantité, dans cette période de l'histoire où nous nous référons. Les métaux utilisés pour déterminer la valeur de ces poids étaient l'or et l'argent. On peut trouver plusieurs passages dans l'Ancien Testament ayant trait à l'utilité de l'or et de l'argent comme mesure de valeur par le poids. Voir à ce sujet la deuxième chronique. Le roi d'Égypte le destitua de la royauté sur Jérusalem et imposa au pays un tribut de 100 talents d'argent et un talent d'or. Ouais. Maintenant, une remarque que j'aimerais apporter, c'est que quand on a déterminé le poids atomique des éléments, on s'est basé sur ces données-là, des bases bibliques. Alors, cette table des éléments, le poids atomique des éléments est basé sur ces données-là. Alors, on ne peut pas varier. Alors, si elle a varié, c'est parce que... On s'est éloigné des valeurs naturelles. Dans les tout premiers temps, il n'y avait pas d'argent sous la forme de pièces de monnaie. Ainsi, tout poids était comparé au plus petit dénominateur commun connu alors, c'est-à-dire un seul grain d'orge pris au centre d'un épi. Plus tard, quand l'or et l'argent furent mis en pièces de monnaie, le guéra, le béka, le manet et le talent signifiaient un certain poids de métal, bien plus qu'un certain poids de grain. Autrement dit, le poids et la valeur furent liés ensemble comme un seul standard de mesure quand on l'appliqua à la valeur nette de l'or et de l'argent. Alors, on pouvait avoir dans une pièce de monnaie quelconque l'équivalent d'un boisseau de blé, disons. Alors, au lieu de faire l'échange d'un boisseau de blé, vous aviez une pièce de monnaie qui avait la même pesanteur et la même valeur atomique aussi bien. Bon. Alors, parce que c'était basé sur les quantités les plus minimes, majorées selon la valeur des échanges. Non, c'était vraiment scientifique, quoi qu'aujourd'hui, on dit que c'était un peu farfelu, mais pas du tout. C'est ce qu'il y avait de plus scientifique. Parce que c'était basé sur les lois de la nature, les poids de la nature. Toujours plus tard, dans le cours de l'histoire, différents types de pièces de monnaie, d'or et d'argent, furent créés par différentes nations qui n'étaient pas toutes de valeur égale, n'étant pas de même poids. Cette diversité d'unités monétaires provoqua la nécessité d'échanges. Avec le temps, le système d'échange devint un champ fertile pour le tribut, portant des intérêts pris à forfait par confiscation. Des dirigeants corrompus altérèrent volontairement la valeur des pièces de monnaie. Finalement, avec l'arrivée de l'âge moderne, les pièces de monnaie et l'argent de papier frayèrent le chemin aux obligations et aux sécurités négociables pour la conduite du commerce et la correspondance qui existait formellement entre la qualité, la valeur, et la quantité, le poids, devint complètement perdue. Bien que nous ayons les faits en main, il est difficile à croire que nous arrivions un jour à sortir de ce présent système de finances malsain et peu scientifique. Oui, c'est aussi la tragédie qui est arrivée au cours du cheminement de l'alchimie. On parle de l'or de 24 carats, hein, d'un prix assez élevé maintenant, mais on peut altérer l'or. L'or monnayable ne peut pas avoir 24 carats, et l'or de bijouterie encore moins, etc. Mais l'or, c'est le maximum de pureté. Hein? Bon. Alors, on a altéré ça. Et en alchimie, c'est pour ça qu'on a condamné tous ces faussaires, tous ces souffleurs, qui, d'une valeur absolue de pureté, aussi bien que de rareté, est à ravaler au niveau des caprices de certains commerçants. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Par exemple, si l'or monnayable devait avoir 24 carats, la pureté totale, hein, alors qu'on l'a falsifié, comme le souffleur faisait, en Angleterre, en Espagne, en Hollande, surtout ça a commencé en Hollande, alors l'or n'était plus de l'or, c'était de l'or falsifié. Et toutes ces valeurs, succès d'année, ils ont été falsifiés. Alors l'idéal, ce serait de les rétablir à leur valeur originale. De l'or, c'est de l'or, c'est 100% pur, hein. C'est ce que l'alchimiste fait. C'est pour ça que l'or alchimiste est suprême, parce que c'est de l'or spirituel. Il n'y a rien de matériel ajouté dedans. Si on peut dire qu'il y a une différence entre l'or falsifié, comme étant matérialisé, et de l'or pur, qui est en d'esprit coagulé, simplement. Voilà. L'or que vous avez fait, qui aurait été testé à McGill... C'était 24 carats. C'était du 24 carats. C'était testé au spectroscope, puis il n'y a pas d'erreur, ça brûle. Vous savez, quand on met le feu à un métal, hein, oui. Et la fumée qui sort, ben, révèle quel est le poids atomique. J'avais un affidavit de ça quand je l'ai laissé à l'âge maçonnique. Mais il est encore exhibé, il est encore drôle. C'est pas rien que moi qui en ai fait, il y en a deux autres. Hein. Un qui était fait à Salem, aux États-Unis, puis un autre quelque part en Californie. Alors, on a dit, ben ça, c'est de l'or. Le reste, ben, c'est de l'or falsifié. Une bague en or, ben, c'est 14 carats, quelque chose comme ça. Ben, c'est pas riche, ça. Alors, rien de pur dans ça. À l'état brut, un guéra d'argent serait l'équivalent de 2,73 cents US. Aux États-Unis, oui. C'est les monnaies américaines, oui. OK. Un béca d'argent à 27,37 cents US. Alors, toutes ces valeurs sont maintenant falsifiées. Hein? Oui. Alors, il s'agirait de revenir au critère universel que l'or, c'est pur, c'est 100%. Hein? Et toutes les autres valeurs sont des sous-dénominateurs de cet élément primordial qu'est l'or. On l'accepte comme le prototype de la valeur totale. Hein? J'ai donné pour information les autres équivalences. Là. Un cycle d'argent 54,74, un manet 27,37 et un talent d'argent à 1642,50. Un cycle d'or serait l'équivalent de 8,76 $, bien qu'un talent d'or en termes de monnaie moderne US équivaudrait à 26 280 $. Gardons cependant à l'esprit que toute valeur est relative et que Bien qu'aux États-Unis, la monnaie soit probablement la plus stable au monde, sa valeur fluctue journellement en valeur d'échange due aux pressions de l'inflation et de la déflation. Et le commerce international également. Alors, on doit faire affaire avec les valeurs des différents pays. C'est ce qui est la courant. Hein? Mais l'idéal auquel on doit revenir pour la prochaine ère, ce serait d'avoir une valeur stable qui sera l'or. Non, elle ne sera pas nécessairement monnayable, mais elle sera l'étalon d'or de la valeur. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé en Europe à vouloir implanter une monnaie comme ça, l'écu d'or, c'est ça? Hein? L'écu d'or. Autrefois, on avait les louis d'or. C'était à 4,80 je pense. On avait des pièces de monnaie, des 30 sous qu'on appelle. C'était pas des 25 cents, mais c'était des 30 sous. Hein, des petites pièces d'or, toutes petites. Hein. Alors, ça s'était basé sur la livre d'or. Une livre d'or, la livre sterling. Hein. Hein. Alors, ça s'est disparu depuis bientôt 60 ans, 60, 70 ans. Hein. Genre, je me souviens d'en avoir vu, j'étais tout jeune de ça. Une livre d'or, c'était gros comme les anciens 50 sous, ça. Hein. Alors, ça, c'était de l'or pur. Hein. Ça circulait. On ne doit pas oublier aussi que le pouvoir d'achat de l'argent dans le début de l'ère chrétienne valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et bien que les gages furent minimes, un denier romain valant environ 7 cents, était le montant de compensation d'une journée de travail. Les prix aussi furent proportionnellement bas. En analyse finale, c'est la relation des prix et des gages qui détermine vraiment la valeur d'une pièce de monnaie en termes de ce que cette pièce peut acheter en valeur réelle. Ah, justement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur stable. Hein? Tout est facultatif, tout est arbitraire. Hein? Alors, ça dépend de la commodité, puis ça dépend du caprice de ceux qui manipulent les valeurs travail et les valeurs récompense ou compensation. Un système comme celui qui existe aujourd'hui ne peut pas durer éternellement. Mais non, c'est impossible. Oui. Alors, est tronqué au départ, oui. Faussé. Maintenant, on attend à la fin du siècle pour avoir ce grand changement. Puis ça va prendre peut-être encore un 50 ans, un demi-siècle, hein, avant que ça soit établi universellement. Ça va commencer en Amérique. Alors, tout sera détruit et la bourse, ben, ça ne sera plus la bourse, ça sera un établi au général. Hein. Et dans le moment, on joue, on fait fluctuer l'or dans le jeu. Et l'agent américain ben, profite de son avantage hein, pour majorer ses coffres. Vous pensez qu'on assiste aux derniers instants du système économique actuel? Avant la fin du siècle, ça sera la fin de ça. Ça sera une bénédiction pour toute la race. Hein. Pas rien que pour l'Amérique, mais pour toute la race. Hein. Définitivement. Nous avons déjà dit qu'un... Je ne sais pas si on l'a déjà dit, en tout cas, nous avons déjà dit qu'un talent était l'équivalent de 660 000 grains d'orge en poids. Okay. Oui. On utilisait aussi les grains de blé pour fin de mesure de poids. D'après les records historiques, nous apprenons que les talents égyptiens, hébreux, olympiens, alexandriens, grecs et romains étaient l'équivalent de 655 566 grains de blé. Un 60e de talent était l'équivalent d'une mine. La mine alexandrienne était l'équivalent de 5463 grains et celle des Grecs asiatiques et des Perses était de 5015 grains. Cette dernière était aussi l'équivalent d'une libra, livre, qui à son tour égalait 12 uncias, onces romaines. Oui, c'est-à-dire de 2 sous environ. Ouais. Alors, tout ça, ça a été manipulé au cours de 2000 ans, ou presque, hein, disons 1800 ans. Alors, c'est ça qui a fait le désordre dans l'économie mondiale. Non seulement le désordre, mais la misère. Hein? Alors que l'or devra toujours être aurique, n'est jamais fluctué, n'est jamais changé de valeur. Et les denrées que l'on peut acheter avec de l'or seraient toujours l'équivalence, exactement. Alors ça, c'est l'état que la nouvelle civilisation doit atteindre avant de dire, là, on vit vraiment, non pas simplement piétiner sur un pied ou sur l'autre. Hein? Les grains de blé furent toujours utilisés comme déterminant du plus petit dénominateur commun. La livre de Troie, TROIE, oui, qui était employée pour peser l'or, l'argent et la plupart des joyaux, est-il l'équivalent de 5760 grains. La livre apothicaire, subdivisée en onces, drachmes et des scrupules, scrupules, oui. Pesait aussi 5760 grains. Ce sont des termes qui sont employés en chimie. Tu n'as pas de question de tout ça, un scrupule, un drague, oui. Alors, quelqu'un qui avait des scrupules, c'était quelqu'un qui était bien, en fait, pendant ce temps-là, qui était riche. Il y avait le bal aussi. Ah ouais, j'en vois d'autres qui sont drôles aussi. La livre d'avoir du poids, en un seul mot. Ben, vous achetez une livre de beurre, c'est d'avoir du poids, ça. Hein? Oui. Si on vous demande une livre, la mesure 3, ils vont vous donner 10 ans seulement. OK. 10 ans de beurre. Alors, un nouveau critère. La livre d'avoir du poids, contenant 16 onces par livre au lieu de 12, équivalait à 7000 grains. Les diamants et les perles étaient pesés par carat qui donnait l'équivalent de 3,1683 grains chacun. Oui, ce sont des critères de pesanteur, ça aussi. Le diamant et les perles également. Alors, voyez-vous, on a plusieurs systèmes de mesure, hein. Pour les employés. Moi, je me demande où est-ce qu'ils veulent nous emmener après tout ça, parce que... Pour dire que l'idéal, c'est, je dirais pas d'étatiser, mais normaliser toutes les valeurs pour ce qui vaut qu'il y a une certaine valeur, qu'elle garde toujours cette valeur-là, quel que soit le cheminement qu'on lui fasse faire. On va le découvrir dans les leçons futures. C'est comme dans le premier chapitre, tout au début, quand on est parti dans les systèmes de banque karmique, d'économie karmique, etc. On se demandait où on allait. Ah, ben oui, on le comprend dans la première initiation, deuxième initiation. Alors, ça, c'est le cheminement que l'on doit faire pour dire on connaît tous les réseaux, on connaît bien notre alphabet, on va faire la syntaxe de tout ce cheminement-là. Ça va être transposé après sur un plan spirituel. Oui, dans notre vie, oui. On saura ce que sont les vraies valeurs. Alors, on va continuer avec nos affaires d'avoir du poids, là. La livre d'avoir du poids de 7000 grains est maintenant considérée standard pour toute fin pratique. Bon. La méthode la plus simple qui est enregistrée dans l'Ancien Testament pour mesurer la distance était par la main, c'est-à-dire qu'on utilisait le doigt, la paume et l'avant-bras. Mmh. La mesure la plus petite était le travers du doigt humain. La largeur des quatre doigts collés l'un à l'autre était la deuxième mesure plus petite. Oui, mais ça, c'est fluctuant parce qu'on n'a pas tous les mêmes doigts. On avait plus dur voir. C'est pour ça qu'on faisait la farce tout à l'heure au sujet de le nez. On prenait les caractéristiques faciales. Il y a des nez cyrénois, hein, les cyrénos. Les bonnes mesures. Ah oui, pour... Bon, en tout cas. Alors, on disait le pied de roi. C'est un barème que l'on avait établi. Non? Ouais. C'était à Charles II, hein, n'est-ce pas? Qui avait décidé ça. Alors, la distance de son pied, c'est un standard. OK. Une unité plus large de mesure était l'empan de la main qui était déterminée en prenant la distance entre le pouce et le petit doigt, quand la main était totalement étendue. L'unité la plus large dérivant du corps humain était la coudée, la distance calculée entre le coude et l'extrémité du doigt central, le majeur. La coudée égyptienne, hein? Ça a commencé avec Ramsès. Hein? Bon, on l'a vu dernièrement, là, ce musée, hein? Ouais, la coudée qui était accoudée. Alors, ça a été facultatif. Et on a joué beaucoup avec ça, au détriment des vraies valeurs. Est-ce que tu as les vraies valeurs, standards? Hein? Bon. Un doigt était l'équivalent de 3/4 pouce, voire Jérémie. Bon, ça quand même. J'en ai oublié. La hauteur de chaque colonne était. Déjà, à ce moment-là, dans ce temps-là, il souhaitait mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, ils disent ici dans Jérémie, la hauteur de chaque colonne était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour. L'épaisseur était de 4 doigts et elle était creuse. Pour le temple, okay. Oui. 4 doigts équivalaient la paume ou environ 3 pouces et demi, voire l'exode. Alors, dans l'exode, ils disent, tu lui feras tout autour un châssis large d'une palme et tu mettras à ce châssis une couronne d'or tout autour. Ouais. Maintenant, vous voyez que c'est pas aussi improbable que ça. Là, on commence à prendre abandonner le système que l'on avait depuis longtemps. Et on prend le système métrique, n'est-ce pas? Alors, on veut l'établir, le système métrique, qui est plus logique, hein? Alors, c'est juste dans les mesures d'avoir du poids, n'est-ce pas, hein? Les mesures de longueur également. Mais quand on aura un système standard, que ce soit métrique ou autrement, alors, ce sera la même chose que vouloir établir le système métrique à travers toute la planète. Mm-hmm. Un seul système. Pour les valeurs monétaires, aussi bien pour les valeurs de denrées, pour les valeurs de terrain, quoi que ce soit. Un seul système de mesure basé sur les lois naturelles. Puis c'est ça que ça vise. Alors, on a fait le premier pas en voulant établir le système métrique, là. Puis on l'impose même, hein? Ouais. Mm-hmm. 3 paumes équivalaient à l'empan, ou environ 9 pouces et demi, voire l'exode. Il sera carré, plié en deux, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Voilà, il parle du pectoral, ouais. Du jugement. Alors, toutes ces valeurs-là vont être unifiées, afin qu'on n'aura pas un système métrique ou un système désuète, comme on l'emploie encore dans certaines choses. Et, voilà. Deux empans égalaient une coudée ou environ un pied et demi, voire genèse. Oui. Alors, et voici comment tu la feras. Il parle de l'arche. Ah oui, l'arche d'alliance. Ouais. Oui. De 300 coudées sera la longueur de l'arche, de 50 coudées sa largeur et de 30 coudées sa hauteur. Pourriez nous parler un peu de l'arche? C'est quoi l'arche? Oui, d'abord, il y a deux arches. Il y a l'arche d'alliance. Hein. Oui, bon, il y a l'arche de Noé. Hein. Bon, maintenant, il ne faut pas l'interpréter purement matériellement. Hein. L'arche d'alliance, c'est une batterie d'énergie solaire. Hein. Ça, c'est un fait. Hein? Une batterie d'énergie solaire. Comment les Hébreux, il y a 2500 ans ou 3000 ans, étaient capables de fabriquer... Bien avant ça. Bien avant ça. Oui. L'énergie était là, non, donc, à la capter. Souvent par pur hasard, mais on savait que l'énergie existait. Les mesures sont très précises là-dedans. Oh oui. Hein? Les mesures sont précises. On a constaté, comme particulièrement dans l'âge d'alliance, pour qu'il y ait une force anode et une force cathode, il fallait qu'il y ait une certaine distance. On connaissait la force de propulsion et la force d'attraction des deux pôles. Alors, l'âge d'alliance, c'était un instrument scientifique dans la mesure était d'équilibrer les deux aspects d'une force universelle, qui était l'électricité, comme on l'appelait. Et d'où leur venait cette connaissance? En tout cas, c'est pas tout le peuple qui avait cette connaissance-là. Non, ce n'est pas, je pense souvent de l'homme Cro-Magnon, l'homme néandertal, mais ça venait d'ailleurs, ça venait de ceux qui ont surveillé l'évolution de l'homme, hein? Les extraterrestres, quoi, qui l'ont hominisé, hein? Parce que par eux-mêmes, ils n'auraient pas découvert ça. Mais ça leur a été enseigné parce que ça existait ailleurs. Hein? Alors, les Vénusiens, maintenant, ce sont les Vénusiens qui ont hominisé l'homme, qui l'ont permis de s'ébrouiller dans des conditions hostiles, qui l'ont éduqué graduellement. Alors, ça venait d'ailleurs. Et l'arche de Noé, Noé. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est une réalité physique? C'est une réalité, oui, c'est une réalité. Mais seulement, il ne faut pas s'imaginer que le déluge était universel. Hein. Il n'a pas été universel, c'était local. Il y a cinq histoires du déluge dans les annales de l'humanité, n'est-ce pas? Un déluge de Deucalion, vous avez entendu parler sans doute, hein. Puis en plusieurs autres aussi. Dans toutes les Bibles des anciens, on parle de certains déluges. Il y a toujours eu des déluges de précipitations prolongées, hein, qu'on fait des inondations prolongées également, puis des dégâts considérables, mais ça n'a pas été universel, il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez rien à rajouter là-dessus sur le déluge? Non, non, on pourrait en ajouter, mais on ne fera rien que les conjectures. Oui, mais les fils de Noé qui sont dans cette arche-là, est-ce que ça symbolise quelque chose d'autre que des entités personnelles? Oui, ce sont les races qui ont survécu à ces déluges, mais pas nécessairement des individus qui ont été bâtir des villes. Hein? Hein? Donc, le Sem, ça représente les Sémites? Les Sémites, précisément. Ouais. Oui, des ethnies, des groupes ethniques, quoi. Mais on a tendance à interpréter la Bible au pied de la lettre. Hein? Mais il faut faire un peu de cabale. Hein? Puis la guématrie aussi. La guématrie. Oui. Il y a des chiffres. Oui, c'est étonnant aussi. Toutes ces mesures-là ont une signification pareille comme dans votre guématrie. Hein? Bon, on va revenir à nos scrupules. Oui. Alors, deux coudées étaient utilisées au temps où les Israélites habitaient la région méditerranéenne. La coudée naturelle, utilisée en Égypte, en Chaldée, en Phénicie et en Grèce. Et la coudée royale de Memphis, aussi utilisée en Babylonie et en Chaldée. La coudée naturelle équivalait à 6 paumes, 2 empans ou 1 pied et demi, 18,24 pouces. Ça, les mesures de la pompe, ça bande la main. Okay. Ça, ouais. La coudée royale équivalait à 20,67 pouces. Les Grecs utilisaient le pied humain comme base de mesure. Celui-ci fut divisé en 12 pouces par les Romains. 3 pieds de 12 pouces devinrent un cubitus romain. Cette distance fut perpétuée par les Saxons et les Normands comme standard d'une verge. Après 1854, cette distance fut légalisée comme la longueur standard d'une barre de bronze à canon entre deux clous dorés à une température de 62 degrés Fahrenheit et à une pression barométrique de 30 pouces. Comme vous voyez, c'est tout arbitraire, ces choses-là. C'était des accords conçus et d'autres avaient d'autres accords. Alors, il y avait litige entre tous ceux-là. Alors, l'idéal, comme dans le temps, c'était d'unifier tout ça pour avoir un seul système de mesure, un seul standard de valeur, hein, basé sur l'énergie solaire. Hein. C'est un peu comme avec les religions, aujourd'hui, ça nous prendrait aussi un standard de mesure de valeur. Oui. Non, ouais. Alors, on prend comme standard... Il y a des ordres à mettre aussi, non? Ouais. Dans Ézéchiel, bon, on va regarder dans Ézéchiel, ce qu'on nous dit là. Nous apprenons que le roseau était une autre mesure standard égale à 6 coudées ou environ 9 pieds et demi. Bon, Ézéchiel. Alors, le temple futur. Quand il m'eut amené en ce lieu, voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme celui de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait à la porte. À la vision duquel, oui. Ouais, ça, c'est bien intéressant, ça. C'est terrible, tout ça. Mais le but de cette déviation-là, si on peut l'appeler, c'est pour nous faire réaliser qu'il y a tellement de désordre dans la représentation des valeurs qui sont à disposition des êtres humains et qu'il y a de la confusion. Et tant que cette confusion-là n'aura pas été nivelée, détruite, annulée complètement, on ne pourra pas progresser parce qu'il y aura toujours de l'animosité. Oui, mais moi, ce que je trouvais intéressant, là, c'était particulièrement dans le chapitre d'Ézéchiel, là. Ce que je voulais dire, c'est que il parle d'un homme dont l'aspect était comme celui de l'airain. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire de langage, sans doute. Mais un homme qui aurait l'aspect de l'airain ressemble à un robot, non? Pas nécessairement. Non, c'est quoi l'airain? C'est un mélange de cuivre et de fer. Cuivre et de fer. Ouais. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ressemblent à ça, si. Pas exactement. Mélange de cuivre et de fer. Un homme de fer. Un bras de fer. En tout cas. Joe Montferrand. Ouais. Pour vous, c'est normal. Il n'y a rien là. Ézéchiel rencontre un homme de fer, là. Oui. C'est une figure de langage qui peut être interprétée symboliquement, mais c'est entendu que ce ne sera pas un robot parce qu'il manifeste l'intelligence. Oui. Quoique les robots, parfois, manifestent autant d'intelligence que leur créateur. Ouais. En tout cas, ça, Ézéchiel, là, ça, je trouve ça assez trippant. Ben, l'idée générale, pour passer à travers la réalité de ces textes-là, c'est de faire réaliser que tout ce désordre qui existe à travers la planète, qui existe depuis si longtemps, sont la cause de toute cette pauvreté, cette pénurie de valeurs dans certains groupes, alors que les autres en ont surabondance. Et établir, avec le cours du siècle, un système de valeurs, de mensuration, de poids et mesure qui mettront l'ordre à travers toute la planète pour qu'il y ait une seule denrée de valeur. Là, on va laisser tomber Ézéchiel et ses rencontres du troisième type. Là. Oui, ben oui. La description qu'il nous donne de son engin spatial, elle ressemble beaucoup à celle que... Ah, c'est quand je dis qu'on arrête d'en parler qu'il commence. C'est fantastique. Là. J'ai compris comment ça fonctionne, la mécanique. Voilà. Alors, n'en parlons pas, mais parlons-en bien. OK. Qu'est-ce qu'il voit, Ézéchiel, là? Qu'est-ce qu'il se passe? Il voit un avion. C'est un avion, définitivement. Ouais. C'est un hyperavion. Mais il semble qu'il dit qu'il voit une espèce de séraphin ou un chérubin. Oui, mais regarde, il y a des roues. Avec des ailes repliables. Il y a des roues qui tournent, des roues à l'intérieur, des roues, des engrenages. Puis il décolle dans un bruit d'enfer. C'est bizarre pour un ange, ça. Absolument. Ouais. Ah ouais. Puis il monte à l'intérieur de l'ange, lui. Hein? Maintenant, Yahvé, c'est une machine aussi bien qu'un être que le... C'est le verbe avoir au passé aussi. Oui. Alors, ça, si on les interprète ça au pied de la lettre, on est foutu dès le début. Excusez l'expression. On ne sait pas quoi s'en tenir. Hein? Alors, il faut dire, il y a pas des figures de langage qui nous frappent l'imagination. Mais il y a une vérité cachée derrière tout ça. Parce qu'ils ont été quand même frappés plus que l'imagination avec ça, parce qu'ils ont été lancés des charbons ardents sur une ville, absolument, donc des bombes. Sur Dom Gourmand, tout ça, oui. Bon, c'est des figures alors, de style aussi. Alors, on constatait dans les alentours de Sodome, n'est-ce pas, que le sable est calciné comme du fer, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait à Bémini, hein? Puis... C'est des figures de style. Oui, des figures de style, mais ça mettait le feu partout, OK. Bon, nous lisons à propos d'une ligne d'arpenteur. Celle-ci marquait une longueur d'environ 140 pieds. Puisqu'une coudée équivalait environ à un pied et demi, deux tiers d'une coudée naturelle équivalait à un pied. Le poids d'une coudée carrée d'eau totalisait un talent ou 655,566 grains de blé. Oui. Il y avait la coordonnance même dans ça. Comment ils faisaient pour s'y retrouver, en tout cas? Dans le temps, il y avait un théorème qui ressemblait beaucoup à celui qu'on appelait le pont des Andes dans notre jeunesse. Hein. Le carré bâti sur l'hypoténuse d'un triangle, quand vous vous souvenez, est égal au carré bâti sur les autres. Ils employaient ce critère-là pour déterminer les valeurs. Hein. Alors, c'était la formule 3, 4 et 5. Hein. Ouais. Mais ça existait, quoi qu'on l'a... Même avant Pythagore, Alors, je sais pas où on en est dans les grains de blé, là, 655,566. Ceci était la manière par laquelle les anciens établissaient des rapports ou correspondances de poids et de distance. Aujourd'hui, le pouce est la plus petite unité d'utilité générale de mesure linéaire. 12 pouces égale un pied, 3 pieds égale une verge, 5 verges et demi égale une rode, 40 rodes égale un furlong. Moi, je veux bien. Un furlong? Un arpent. Ah, ok. Puis il y aura de gérer une perche. Comment il fait pour savoir ça? En tout cas, vous devez être la seule personne sur la Terre qui est au courant de cette sombre histoire. En tout cas. C'est pour ça que je dis que c'est le dernier des authentiques. Sans dire que c'est un patriarche. Hein, parce qu'il a cette mémoire-là de 2500 ans qu'il a, il a ramassé des grains de blé. On s'occupe de vous donner quelque chose de si aride, mais c'est pour faire réaliser que les innovations qui se font présentement et qui vont se faire de plus en plus d'ici à la fin du siècle, afin que le siècle prochain soit une nouvelle vie, hein? Alors, c'est pour se débarrasser de toute cette foutaise, excusez l'expression, toute cette foutaise qui existe depuis plus de 2000 ans, et je dirais même 2000 avant Jésus-Christ. Alors, il y a rien que les Hébreux qui ont dit, il serait temps de mettre l'ordre dans ça, hein? Alors là, on a commencé par changer le système ordinaire par le système métrique. C'est le premier pas qu'on a fait, puis on l'accepte universellement maintenant. Alors, tous les autres systèmes de poids et mesure vont changer aussi. Mais enfin, les Anglais n'ont pas accepté ça encore. Ah oui, ils l'acceptent, ils n'auront pas de choix. Ils n'auront pas de choix. Non, ils n'auront pas de choix. Alors, bon, on était dans les furoncles, là. Alors, 40, oh, en tout cas. Oui, des furlongs, il y a ça, des furlongs. OK, toujours pour la on formation. On n'a pas le terme furlong dans l'armée, on dit ça, c'est sur l'espace de 15 jours, de permission. Ouais. Sans désertion, oui. OK. Alors, 40 rods égale un furlong. Ce sont des perches, les rods sont des perches. Elle fait tout mêler, là. 40 rods égale un furlong, 8 furlongs égale un mille et 3 milles égale un lieu. Ceci était le standard pour les mesures terrestres. Bon, ça semble plutôt des mesures extraterrestres, en tout cas. Une situation légère. Les mesures terrestres viennent d'ailleurs. Viennent d'ailleurs, il n'y a pas d'erreur. Ça doit. Oui. Une situation légèrement différente avait rapport aux mesures nautiques. Oh là là. Ben, vous avez un mille nautique, mais c'est plus long qu'un mille terrestre. C'est plus long qu'un mille terrestre. C'est parce qu'il y a plus d'eau de mer que oui, de terre. En fait. Oui, puis il y a un mille vol d'oiseaux aussi. Ouais. Hein? Alors, il n'y a pas d'aspérité. Alors, c'est trois mesures différentes. Un mille terrestre avec toutes ses aspérités, un mille nautique au gré des courants, puis le mille à vol d'oiseaux, ben, c'est direct. Ah non, on dit un mille quand même. On dit ça, un mille à vol d'oiseaux. Oui. Oui, on pose cette expression-là. Alors, c'est mal à la confusion, tout ça, hein? Oui, certainement. Alors... C'est dramatistique, je trouve. Oh oui. Alors, 6 pieds étaient l'équivalent d'une brasse, 120 brasses équivalaient à la longueur d'un câble nautique, 7 câbles et demi équivalaient à un mille. On notera qu'un mille terrestre équivaut à 5280 pieds en longueur, alors qu'un mille nautique est de 6000 pieds. Ah oui, oui. Oui. Ces divergences devront être abolies et tout le système de mesure devra être simplifié avant que le nouvel ordre des âges puisse s'appliquer au champ de l'économie. Oh, alors là, on sait quoi s'en venir maintenant. Il s'agit de mettre l'ordre dans tout ça pour éviter cette confusion afin que les gens puissent se comprendre, hein, puis être d'accord sur toutes ces valeurs. Ils prennent d'abord conscience du désordre. Oui, en tout cas. À moins de dire le désordre, c'est pas pour mettre l'ordre. C'était une leçon très très initiatique là, qui a exercé beaucoup notre patience. Oui. Alors, c'est important de faire pour faire réaliser toute la confusion qui existe à travers la planète au sujet de ces valeurs, des valeurs chronologiques, c'est bien des valeurs de distance, etc. Il y en a dans toutes les directions. Et des valeurs monétaires aussi bien des valeurs de denrées nécessaires à la vie. Alors, pour mettre l'ordre dans ça, c'est faire table rase. Ah, c'est ça qu'on fait. On souhaite qu'il y en ait parmi vous qui feront partie du gouvernement mondial et qui pourront établir tous ces systèmes-là et que ça aura servi vraiment à quelque chose d'important. Alexandre Lachance, on vous remercie mille fois, encore une fois, pour toutes vos connaissances. Merci, Alexandre. Hein? Alors, comme c'est un sujet très particulier ce soir, et puis il peut pas y avoir beaucoup de questions concernant ce système-là, il y aurait qu'Alexandre Lachance qui pourrait poser des questions, je pense, et donner les réponses, les formuler en tout cas. Ce qu'on va essayer d'établir ce soir, c'est un dialogue avec Alexandre Lachance. Donc c'est pour la raison pour laquelle on vous demande de vous approcher, afin que vous puissiez poser vos questions verbalement, là, à haute voix, directement à Alexandre Lachance, quel que soit le sujet ou l'interrogation que vous avez. Hein. C'est sujet libre, là, pour cette deuxième heure. Donc, posez vos questions assez fortement. Si ça n'est pas entendu, à ce moment-là, je vais répéter la question au micro, pour le bénéfice de ceux qui écouteront les cassettes. Est-ce qu'il y a encore parmi vous des personnes qui ont leurs questions par écrit, là ? Y a-t-il d'autres ? Personne. Ça fait qu'on va passer au travers de ces trois questions-là, puis ensuite on commencera le dialogue. Ok. Alors, Alexandre Lachance, quel est le pouvoir curatif de l'or ? Voici, l'or a la propriété de s'irradier. On sait que l'or perd de son volume, aussi bien que de sa pureté, à mesure qu'il est manipulé. Hein? Parce qu'il s'irradie continuellement. Il est très mou, hein? C'est de l'or pur. Hein? C'est pour ça qu'on fait un alliage ou un amalgame pour le conserver plus longtemps. Alors, sa capacité thérapeutique, c'est de horrifier le système. Parce que le corps spirituel, c'est de l'or aurique, hein? De l'or. Hein? Alors, que ce soit de l'or sous forme d'énergie humaine, ou bien sous forme d'énergie cristallisée, c'est que dans le métal, c'est toujours de l'or. Puis de l'or s'irradie. C'est le métal solaire. Puis la propriété du soleil, c'est de s'irradier. Et de l'or également. Est-ce que vous pouvez parler en regard de la salle pour que alors, tout le monde vous entende l'or bien? L'or a une propriété radiante. Que ce soit l'or de votre aura, mais l'or métallique, il s'irradie. Alors, c'est ça qui fait non seulement sa beauté, sa rareté, mais sa qualité. Aussi, dont on ne soupçonne pas l'effet immédiatement, mais on sent intuitivement ou instinctivement que l'or est précieux à porter et bienfaisant. Alors, si vous avez des questions concernant l'explication qu'il vient de donner, n'hésitez pas, vous levez la main, puis vous y allez la poser. Toujours nos problèmes de technique. Ça va. Ah, c'est spécial, c'est parce que je dois rentrer comme ça. Ah, je pense que ça va tenir. Hein. Ah. Une autre question aussi, comment définissez-vous l'alchimiste, ses buts, etc.? Voici, l'alchimiste, c'est un homme qui a d'abord réalisé que toute vie est de la vibration et de la radiance, et son but est de capter cette énergie-là qui génère automatiquement à travers tout son cheminement dans la vie, et qui peut la prendre des espaces célestes aussi bien que dans sa nutrition, et qui la libère à volonté. Pour réveiller la vie latente dans les toits de la nature. On a pensé que le but principal de la chimie, c'était de transmuer les métaux vils en or, ou bien d'accélérer la croissance des végétaux, ou bien d'épurer le système. La chimie, pour la définir, consiste à éveiller l'énergie latente ou en léthargie dans les toits de la nature. Ça accélère le mouvement vibratoire dans le métal, dans le minéral, aussi bien que dans le végétal, et dans le règne humain, c'est pur, la cellule de toutes les terrestrialités qu'elle aurait pu absorber au cours de sa vie. Alors, c'est une épuration du système, des trois systèmes, du système minéral. On dit du plomb, par exemple, c'est un métal vil, que c'est de l'or lépreux. Introduire de la pierre de projection dans du plomb en fusion, vous y faites céder toute sa lèbe et ça devient de l'or en dedans de quelques minutes. Vous le mettez dans un sol sous forme d'huile. Alors, une poire avocat va éclater dans 24 heures, une noix de date, à peu près une nuit, alors que normalement, ça prendra un mois avant de germiner. Et dans le système cellulaire, ça va créer dans l'homme, ça va créer une fièvre artificielle qui va le faire suer abondamment pendant 30 ou 40 heures. Alors, à faveur de cette situation-là, de cette sueur-là, la personne qui est intoxiquée exude toutes les impuretés qu'elle aurait pu accumuler. Alors, c'est à bâton rompu ce que fait l'alchimie. Épurer les trois systèmes, les trois reins de la nature, de leur terrestrialité. Dans le métal, ça accélère sa croissance. Dans le végétal aussi. Et dans l'homme, ça l'épure. Ça épure ses cellules. En définition, c'est donc d'accélérer le mode vibratoire dans les trois reins de la nature afin qu'ils atteignent leur maximum de rendement. Et l'alchimiste a compris qu'en employant l'énergie solaire, qui est réfléchie par les rayons de la Lune, tel qu'on fait dans le mode avril, hein, sous forme de rosée céleste, avec le sel, on fait un épurateur comme ça. Alors, on l'appelle la pierre philosophale pour de meilleurs termes. C'est un catalyseur de vie. C'est le but de l'alchimie. Éveiller la vie qui est en léthargie ou qui est en latence dans les trois reins de la nature. Mais ce qui est plus précieux, c'est dans le système humain. Inonder le marché d'or, ce ne sera pas pratique. Ce sera même nuisible. Hein? Si l'or devenait aussi facile à faire que du plastique, ce ne sera pas un cadeau à faire à l'humanité. Et dans le règne végétal, on le fait déjà à Finrod, à bien des endroits, n'est-ce pas? Alors, c'est de l'alchimie qu'on fait. Et en Suisse, à Dornach, hein, on en fait aussi. Et à Saint-Cyr-sur-Mer, on en fait. En Inde, à Junta, on en fait. Et dans l'Utah, sur Plexité, on en fait aussi. Dans les trois, hein, tous les départements. Alors, le chimie, c'est un catalyseur de vie dans les trois rangs de la nature. Ouais. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec le métier d'alchimiste ou l'alchimie, des questions techniques? Allez-y. Hein? Une question technique, mais est-ce que porter de l'or sur soi apporte quelque chose dans votre... Bon, oui, c'est un état question. D'esprit. C'est un état d'esprit, mais je pourrais dire que tout est esprit. Mais vous vous sentez un peu plus horrifié, un peu plus riche, j'avais de l'or en poche. Hein? Bon, alors, c'est un état d'esprit, je veux dire, je suis pas conscient que j'ai de l'or plein mes poches. Hein? Alors, la question, c'était de savoir... Il y a quelque chose de mieux que ça, parce que l'or s'irradie, je viens de le citer, l'or irradie son énergie. Hein? Porter une pièce d'or longtemps dans sur vous, elle va diminuer de poids, de pesanteur, soyez-en sûr. Elle perd son énergie, elle irradie son énergie, et vous en bénéficiez. Elle perd sous forme d'énergie, et vous en bénéficiez, ça. Votre corps intérieur, votre corps spirituel est fait d'or. C'est un gaz d'or. C'est une entité orique. L'or, c'est l'émanation du soleil. L'or, c'est du soleil cristallisé, du soleil coagulé. C'est exactement ça que c'est. C'est pour ça qu'il y a tant de valeur. On comprend pas la raison pour laquelle il est si recherché. La raison insoupçonnée, c'est ça, que l'or s'irradie, paraît que le soleil s'irradie. Non, pardon? Savoir. Oh oui, le savoir, oui, oh oui. Alors, toutes les valeurs solaires sont des valeurs auriques. Ouais. On compare toutes les planètes, on assimile toutes les planètes avec un métal quelconque. Mercure, ce sera la planète la plus près du Soleil. Le cuivre, ce sera Vénus. Mars, ce sera le fer. Jupiter, ce sera l'étain, etc. Alors, l'énergie solaire se convertit en différentes formes d'émanation selon les plans de conscience qu'elle occupe. Le mercure, c'est de l'or aussi, mais c'est de l'or qui n'est pas encore coagulé. Hein. C'est plus facile de convertir du mercure en or que de convertir du fer en or. Parce que le fer, c'est déjà loin, c'est sur Mars, à port de Mars. Mais la manière la plus facile de faire une projection, c'est sur du mercure, à 300 degrés à peine. Alors, ça se fait dans 10 à 12 minutes. Même parfois à froid. On a vu faire ça à froid. Moi, je l'ai pas fait, mais un homme Siliani a converti du mercure à froid en or. Alors, l'or, c'est le métal solaire. Il est radiant. C'est toutes ses formes, même sa forme solide. Oui, madame, là, d'abord. Monsieur, oui, madame. À propos de l'or, justement, j'ai lu quelque part que quand on porte de l'or, il faut aussi porter un métal négatif, de l'argent ou autre chose. Est-ce que c'est exact? Je suis pas en mesure de discourir sur ça. J'ai déjà entendu dire ça, mais je n'ai pas constaté. Et si c'était sur le métier du fer, par exemple, avec de l'or, ça le coagule, ça l'empêche de s'irradier. Le fer, c'est négatif, hein. Ouais. Mais je suis pas suffisamment familier pour en parler en connaissance de cause. Je l'ai déjà entendu dire, mais je n'ai pas étudié. C'est possible, ça. On fait des amalgames quand on veut conserver un métal dans son état original, hein. Avec du mercure, on peut mettre ça avec d'autres éléments, puis ça se conserve plus longtemps. Ça diminue leur valeur. Mais c'est possible pour le conserver. Un métal négatif avec un métal positif. Mais le soleil, c'est ce qui est le plus positif. Hein? Alors, avec du fer, ça devrait le conserver plus longtemps. Ouais. Monsieur? Est-ce que l'or est fabriqué par le soleil ou bien est-ce qu'il est... Il est fabriqué par la Terre. Tous les métaux, tous les métalloïdes, proviennent du soleil. Tous. Si l'énergie, l'émanation solaire tombe sous un sol qui est argileux, par exemple, l'argile, c'est le détritus de toute l'énergie, les déchets organiques de la Terre, ça fera du plomb, qu'on appelle de l'or lépreux. Si ça tombe dans le sesquioxyde de fer, ça va faire de l'or pur. Ou dans le cobalt, ça fera de l'or pur aussi. Mais ça vient tout du soleil. Toute l'énergie minérale, végétale ou animale ou hominale vient du soleil. Tout vient du soleil. Et cette énergie-là prend les qualités du sol dans lesquelles elle tombe. Il y avait une théorie, je ne sais pas si c'est une théorie, mais quelqu'un disait que l'or qu'il y avait sur la Terre était en fonction des qualités humaines qui étaient développées par les hommes, qu'il y avait certaines correspondances. C'est un peu conjectural, ça. Ouais. Non, mais l'or existe en l'homme, hein? Ouais. C'est la plus haute forme de vibration d'énergie solaire dans le sol, hein, dans la Terre. Maintenant, les sols qui contiennent de l'or génèrent aussi du radium. Les Curie ont découvert ça, monsieur et madame Curie, vous savez, enfin de radium, là. Ils ont découvert de l'or là où la végétation était plus luxuriante, plus abondante. Et en même temps, ils ont dit, ben, si la végétation est abondante, c'est parce qu'il y a de l'or et du radium. C'est comme ça qu'ils ont découvert le radium, à proximité des gisements d'or. Mais le radium est plus précieux que l'or, hein? Donc, c'est plus rare. Oui, ben oui. Moi, j'ai déjà vu qu'un médecin a dû ingérer des tiers d'or. Oui, on appelle un terme en alchimie qu'on appelle de l'or liquide, hein? De l'or liquide. L'élixir que l'on fait à la troisième transmutation, dans l'œuvre au rouge, ce n'est plus ou moins une huile. Vous en prenez une petite quantité, une très petite quantité, mais c'est de l'or véritablement. Vous avez dilué ça dans un bouillon quelconque, ou dans une coupe de vin, du vin tiède, et c'est véritablement de l'or sous forme de particules que vous buvez. Merci. Vous donnez une poussière. La poussière. La poussière, non, je ne le croirai pas. Je ne pense pas. Non, sous forme d'élixir, sous forme de d'huile aurique. On appelle ça l'huile aurique. Ah, mon pauvre François, c'est un problème. C'est ça, oui. Juste à le poser comme ça dessus. Bon, OK. Non, le prendre en poussière d'or, ça sera difficile à assimiler, parce que le métabolisme ne se fait pas directement avec les métaux. Il faut que les métaux soient désorganisés avant qu'ils puissent être assimilés par le système. Non, sous forme d'huile aurique. Ouais. L'élixir, on appelle ça l'élixir. Ouais. Quand on a fait la sublimation du cinnabre, qu'on l'a pulvérisé, qu'on l'a réduit en liquide, en suffisant, en gaz, là, il retombe de nouveau en huile en l'exposant au soleil. Là, c'est de l'or liquide, mais pas l'or pulvérisé. Il n'est pas pulvérisé. Il est vraiment liquide. C'est une huile aurique. Mais aux Indes, ils pratiquent une thérapie comme ça, des diamants pulvérisés, des pierres précieuses. De l'or. Etc. J'en connais rien de ça. Ouais. Non. Ouais, okay. Non, j'en connais absolument rien. C'est peut-être un genre de placebo. un nostrum quelconque. En tout cas, c'est un bon placement pour celui qui pratique la thérapie. Oui. Madame? Madame? C'est aussi la même chose que le monsieur. Je connais des gens qui font de l'arthrite. Oui. Ils leur font prendre ça, des poussières d'or, comme ça. Et je ne sais pas si c'est souvent des pilules. Le meilleur traitement pour l'arthrite, c'est cette huile. C'est encore cette huile aurique. Cette huile-là. Les médecins le font. J'en connais rien. Je sais pas si c'est comme une forme de pilule ou quoi, là. Ils appellent ça la poussière d'or. La poussière d'or. C'est peut-être un terme exagéré. La poussière d'or, elle est métallique. Faut pas que l'or soit métallique. Faut que ce soit liquide, l'or potable. Comme on appelle ça de l'or potable, l'or buvable. Mais ce n'est pas sous forme de pulvérulence, hein. Alors, quand on a pris le cinnabre, qu'on l'a bien pulvérisé, et qu'on l'a fait passer par le processus de sublimation, ça devient une huile. C'est de l'huile d'or, véritablement, mais c'est de l'huile, pareil comme de l'huile d'olive ou bien n'importe quelle huile. Ouais. Alors là, ça s'assimile tout de suite. Mais en poussière d'or, on prenait une cuillerée de sucre ou bien n'importe quoi, je ne crois pas que ça puisse s'assimiler comme ça. Mais j'en sais rien. Plus tard, dans la conférence, dans le période de questions, est-ce que vous allez nous dire quand est-ce que vous allez aller à Rawdon? Pour amorcer de la rosée? Oui. Il va falloir consulter nos autorités. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne pourra pas se faire au mois de septembre. Ça va se faire au mois d'avril, à Pâques. Ouais. Ouais. Ouais. Bon, au mois de septembre, on sera à 180 degrés d'énergie solaire. Hein? On sera 6 mois plus tard. L'année dernière, on est allé dans le temps de Pâques, justement, le jeudi saint. C'était très bien. On souhaiterait y aller dans le temps de Pâques l'année prochaine, dans le mois d'avril. Pas nécessaire d'aller au lac George, on pourrait aller peut-être à Rodden. On a bien aimé ça, l'expérience du lac George. Oh, c'était fantastique, bien, c'était ça. Okay. Ouais. C'était un peu long comme voyage, combien? 3 ou 4 heures? 3 heures environ, oui. Mais ça valait la peine. On aurait dû rester 2 jours ou 2 ou 3 jours au moins ça là-bas. Été agréable, oui. Ça rendait mal, là, oui. Mais oui, mais oui. Alors, on y retournera, mais je préférerais aller plutôt dans le nord, Saint-Félix de Valois, je pense, ça serait bien, là. OK. Mais dans le bout de Rodden, il y a des beaux terrains, il y a un terrain de golf. Restez 2 jours au moins pour qu'on puisse en bénéficier aussi. Parce qu'on a eu de l'arrosé tard le matin, il était à 4-5 heures. Mm-hmm. Au début de la nuit, on avait eu de l'arrosé. On a été arrosé. Oui, on a été arrosé. On voulait arroser, puis on s'est fait arroser. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent personnel sur sa vie d'alchimiste? Parce que le soleil est à 180 degrés plus loin. Mais vous, au lieu d'avoir une conjonction, vous avez une opposition. Et la Terre ici, hein, ici, là, vous avez 180 degrés, puis là, vous avez un autre 180 degrés qui fait un anneau complet de 360 degrés. Hein. Alors, c'est le temps de Pâques, quand la Lune passe devant le soleil, entre Vénus et la Terre, et là, la rosée est plus abondante, puis plus forte. Le mot Pâques veut dire passage. C'est véritablement le passage de la Lune devant le Soleil qui occulte le Soleil pendant 8 minutes à peu près. Puis après son occultation, il jaillit plus d'énergie. On célèbre habituellement le dimanche, le premier dimanche de Taurus du mois d'avril. Hein. Mais c'est toujours le moment où la Lune passe devant le Soleil et quand Vénus est en ligne directe avec. Là, il y a beaucoup d'énergie qui s'émane. Ouais. C'est le temps. Tandis que si on va 6 mois plus tard, 380 degrés plus tard, vous avez le soleil à mi-chemin, 180 degrés plus loin. Il n'y a pas autant de force. La meilleure force, la plus grande partie de l'énergie vient au temps de port, au temps du passage, ou après le passage de l'une. Bon, j'ai une question ici. Quelle est la différence symbolique entre l'étoile à 5 branches et celle à 6 branches? Bon, l'étoile à 6 branches, c'est simplement les 2 mystères de l'incarnation puis la résurrection, hein. C'est le triangle inversé, la pointe en haut et la pointe en bas, hein. Alors, c'est l'étoile de l'orville. L'étoile à 5 branches, c'est le symbole de l'homme, hein. Le pentagramme. Le pentagramme. L'autre, c'est l'hexagramme, hein. Alors, on dit que le Christ, c'est le pentagramme, tandis que le précurseur, c'est l'hexagramme. Hein? Alors, c'est une forme de géométrie sacrée qui a été conservée longtemps dans les anciens mystères. On employait des symboles comme ça, géométriques, pour exprimer, pour illustrer les valeurs ésotériques. On dit par exemple que Jéhovah, celui qu'on a donné comme Dieu le Père, c'était le tétragramme, hein? Hein? L'Elohim tétragrammaton, tandis que le Christ était le pentagramme, qui était l'homme complet. Hein? Hein? Alors, ça, ces symboles-là, on emploie ça dans les anciens mystères, le mystère de Samothrace, le mystère d'Eleusis et tout ça. C'est des symboles. Hein? Tu as des questions en relation avec les sociétés secrètes, oui, aussi, n'importe quoi, du coup. Monsieur? Vous dites, alors, j'étais végétarien. Oui. Le temps que vous étiez dans l'armée, que vous étiez correspondant de guerre. Oui. Vous servez des postes spéciaux ou pas? Non, je voyageais. J'étais pas combattant, moi j'étais correspondant de guerre. Je voyageais en jeep à partir d'Halifax, j'allais jusqu'à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Et j'avais toujours ma gamelle. Ça, c'est à moitié café, moitié rhum. Et quand j'arrivais dans une ville, je m'achetais un repas, une céréale, un sandwich ou quelque chose comme ça. Et le reste du temps, j'avais mon jeep et ma gamelle, je mettais 50 ans de rhum. Ça, je pouvais partir d'Halifax jusqu'à Halifax. Ouais, d'Halifax jusqu'à Halifax, jusqu'à la Colombie-Britannique, comme ça, avec 50 onces de rhum et café. Non, on n'a jamais mangé de viande chez nous. C'est encore assez difficile de ne pas manger de viande ici, parce qu'au départ, dans ce capital, je vais faire mon mess. Non, mais seulement je me faisais faire moi, des soupes, hein, des soupes aux légumes. Au bien des endroits. À Ottawa, je passais des fois deux jours. À Ottawa, ma base était à la Citizen, à Ottawa. J'avais un petit restaurant sur Rue Spark, je pense. J'avais toujours des bonnes soupes, là. Ah oh, oui, soupes aux légumes. Enfin, à Winnipeg aussi, à Winnipeg Friperie, j'avais toujours des bons pas, là. Maintenant, on dit que la pensée se filtre au travers du sang. À travers du? Du sang. Oui. Et puis, la viande laisse des toxines dans le sang, c'est pour la raison pour laquelle que c'est, disons, c'est pas suggéré pour quelqu'un qui veut développer son spirituel. Ben oui, mais seulement, il ne faut pas se faire de fausses idées au sujet de la spiritualité. La spiritualité se manifeste dans tous les actes de notre vie. Hein? On a des idées grossières ou des idées subtiles. C'est toujours conditionné par ce que l'on mange. Hein? Ah. Non, c'est plutôt notre état d'esprit qui conditionne la qualité de, ou l'effet de la nourriture que l'on a. Ah. J'ai déjà mangé de la viande dans la famille, là, à Pâques ou bien, comme il y a. Il y a 2 ans, je mangeais du dinde, puis des tourtières des fois, mais je m'excuse après pour les dégurgiter. Je suis pas habitué à ça. D'ailleurs, j'étais très jeune, on mangeait pas de viande chez nous. On était à l'île d'Orléans, puis on mangeait des légumes en abondance, des fruits, des céréales, des crêpes, on mangeait des crêpes, de malasse. Oui, ben oui. C'est du sucre de canne, hein, oui. Ouais. On appelle ça le sirop Barbade, hein, le sirop Barbade. Du fond de tonne, ça c'est le thème qu'on envoyait. Vous attendez ça, je pense, du fond de tonne dans un sirop épais comme du noir à chaussures. Sirop de poteau? Sirop de poteau, oui. Ah oui, on avait ça. Il s'enfile pas, il faut le mettre en face pour le forcer. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, t'as beaucoup de mérite, t'as beaucoup de mérite. Bon. D'autres oui, du fontaine, on a mangé du fontaine. Madame? Je porte une chaîne en or, un cristal en plus. Oui. Et l'argent. Est-ce que ça fait un conflit? Je ne crois pas. Non. Il y a beaucoup qu'on parlait sur les propriétés psychique des métaux et des pierres. Il y a certainement des pierres qui ont une radiance quelconque. Mais définir, dire telle pierre produit tel état d'esprit et tel autre produit un autre état d'esprit, c'est difficile à dire. On peut créer un tas de fantaisies à ce sujet-là. Je sais par exemple que j'aime mieux regarder un diamant que regarder un petit caillou ordinaire. C'est plus beau, hein? Ça réfléchit la lumière. Alors ce qui fait la valeur des pierres, c'est l'effet que ça a sur notre vision, je crois. Hein? Un beau diamant, c'est beau à voir. Hein? Une émeraude, c'est beau aussi. Hein? Alors, c'est plutôt un effet psychique qu'un effet physique, je dirais. Hein? Hein? La perle, par exemple, qui est une pierre animale, hein? A un effet, certainement. Hein? Une perle, c'est le produit d'un animal, de l'huître. Hein? Hein? Même les perles artificielles que l'on fait par alchimie, on prend le nacre de perles dans une huître, puis en mettant de l'élixir dans cette huître-là, on fait décoller le nac qui est dedans. On la fait tourner, puis on fait refroidir. Ça fait une pierre artificielle, mais c'est une pierre animale que vous avez faite. Ouais. Souvent, ça éclate. Quelqu'un, j'ai entendu dire qu'il y a des pierres artificielles faites de nacre de perles provenant d'huîtres éclatant sur des personnes quand il y avait trop de chaleur. Non, ils avaient porté trop longtemps. Parce que ce sont des pierres animales. quand une huître s'ouvre, puis qu'elle absorbe un grain de sable, pour éviter l'irritation, elle dégage quelque chose, une sécrétion. Puis cette sécrétion-là, c'est ça qui fait la perle qu'on trouve dans l'huître parfois. Et certaines huîtres perlières que l'on cultive en Bretagne, je crois, consistent à prendre les huîtres et introduire un morceau de sable, un grain de sable dedans, puis les remettre à l'eau. Et quelques temps après, ces mêmes huîtres possèdent une perle dedans. Ouais. On fait ça. On fait ça au Japon, puis on fait ça en Bretagne aussi, je crois. Ou en Normandie, je crois. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'est pas tellement bon de porter des perles? Non, pas vraiment. Pour vous dire le vrai, je vais vous avouer mon ignorance du sujet, tout simplement. Hein? Il accorde pas d'importance à ça, c'est tout. Non, franchement, non. Aïe, aïe, aïe. Essayez de comprendre, résoudre d'abord le mystère, parce que C'est le pied qui est sur le fil. C'est ça. Voilà, on est comme ça. Ah, la voilà le coupable. Oh. Ce pied-là. Voilà. Bon. Alors, poursuivons. Alors, sur les sociétés secrètes, sur la vie au-delà de la mort, la mort, oui. Dans la vie, ce que vous voulez, allez-y. D'abord, comme je dis souvent, la mort, je n'y crois pas, j'ai jamais cru. J'ai eu deux, trois exemples dans ma vie qui ont renforcé mon scepticisme, mon absence de croyance en réalité de la mort. C'est une erreur monumentale, une erreur universelle. Il n'y a pas de mort dans la nature. Non. Il y a des changements d'état, des mutations, des transmutations, transformations. Mais de la mort, il n'y en a pas. La conscience, dès qu'elle a été éveillée, dès qu'elle a été engrossée une fois dans un corps quelconque, surtout dans un corps humain, reste toujours conscience. Incarné ou désincarné. Pareil comme quand vous dormez, vous êtes partiellement désincarné, hein? Et vous êtes conscient de votre être-té. Et pareil que, comme à l'état d'éveil, les expériences que vous voyez, qui vous sont projetées ou même que vous fabriquez vous-même, dans votre imagination, c'est réel, ça. Alors la conscience est vivace pendant que vous êtes extériorisé. Alors la mort, c'est une grande illusion. Une grande illusion. Il n'y a pas de mort, de transmort, transmutation, de transformation seulement. Changement de véhicule, changement de moyen d'expression. Hein. Il y a sept états comme ça. Nous autres, on est rendus au point équidistant entre l'ange et la bête. Puis quand on aura passé à travers cette vallée de l'âme, comme on dit, là, on aura un état supérieur, mais on aura toujours la même conscience. On aura des souvenances de notre vie terrestre. Hein. Aussi bien que on apprendra ce qu'il y a au-delà de la vie. Hein. Hein. La vie est éternelle. Oui, monsieur. Oui, madame. Comment, pardon? Télékinésie. Ah, la télékinésie. Ah, j'ai eu un peu d'expérience dans ce domaine-là. Personnellement, quelques-unes, mais surtout de mes amis qui ont fait des choses étonnantes. J'avais entendu parler peut-être d'un nommé Uri Geller, ce bonhomme qui amollit des métaux. Hein, j'ai entendu parler de ce bonhomme-là. Il y a un petit truc qui vient chez nous parfois, prend une cuillère ou une fourchette ou bien n'importe quelle autre chose, puis en l'amorisant, pour ainsi dire, ce serait le terme employé, elle la tourne pareil comme c'est un pretzel. Hein? Alors cette fourchette-là, cette cuillère-là, subit son influence vitale et s'amollit. Puis là, dès qu'elle commence à réchauffer, elle la tourne, puis elle vous la remet comme ça. C'est un pretzel. Bon. Maintenant, il y a quelqu'un, ça je l'ai vu faire il y a très longtemps, c'est à Saint-Anne-de-Pérade, une petite fille qui avait des propriétés télékinésiques comme ça. Oui, à Saint-Anne-de-Pérade. Son oncle venait de chantier, puis il était très grossier, et il rudoyait tout le monde, puis il buvait des gros pichets de bière. À un moment donné, la petite fille faisait un soubresaut comme ça, un mouvement de dédain, et le pichet de bière qui était sur la table tombait à terre. Elle fait ça une couple de fois, puis on dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Puis une fois, il y avait beaucoup de visites à la maison, le curé était là, puis il avait fait ça. Le père buvait, puis il sacrait. Le curé était en train de faire sa visite paroissiale. Elle a fait ce geste-là, je l'ai bel et bien vu faire. Le pichet de bière est tombé. Puis elle s'est blottie dans les bras. Moi, non, je ne l'ai pas fait exprès, ce coup-ci. Ah, c'est ça qu'elle m'a dit, je ne l'ai pas fait exprès. Le père a sacré, barbac. Ma première fois que j'arrive. Hein. Alors, voyez-vous ce qu'elle faisait? Un geste de dédain, hein? Alors, elle mettait de l'énergie. Ça lui répugnait de voir ça. Elle faisait ça, je l'ai bel et bien vu faire. Ça tombe à terre. Des fois, c'est un corps qui se détachait. Il se détachait. Ouais. Ouais. Oui, monsieur, madame. Cette personne-là, elle voyait dans son subconscient des amis qui étaient en danger avec son oui, c'est possible, oui. Il y a des gens qui sont... Et qui sont très sensitifs, hein, qui peuvent voir au-delà du temps et de l'espace. La petite fille dont je vous parle, là, de Saint-Anne-de-Pérade, avait raconté une fois que une chose qui a fait bien de la peine, un monsieur qui s'était fait couper le pied, un monsieur, je me souviens pas le nom, c'est dans de valeur, je me suis fait couper le pied. Quand est-ce arrivé? Ça va arriver demain, ça. Ça va arriver demain. Puis le lendemain, notre bonhomme s'est fait couper le pied par la faucheuse. Elle l'avait vu, elle l'avait subi, le choc de ces choses-là. Alors, c'est dépasser les notions de temps et d'espace. Hein. Elle se souvenait d'une chose qui devait arriver le lendemain ou sur le lendemain ou deux, trois jours après. Est-ce que tous les gens sont doués de ces affaires-là, qui ne sont pas développées. Il y a seulement quelques personnes qui peuvent avoir. Ça peut se développer, ça peut se cultiver. Ça peut se cultiver. Mais comme la nature nous a donné des sens dont on doit servir, quand on n'a plus l'usage de nos sens, on pourrait s'en servir. Mais tant qu'on a l'usage de nos sens, on va mieux s'en servir. Ah. Oui, l'œil pinéal. Oh, ça le développe assez facilement. C'est lui qui fonctionnerait d'ailleurs. Hein? À l'état de rêve, il peut voir des choses qui se passent à distance. Hein? C'est le troisième œil qui voit. Ouais. Ouais. On a, pour tous les sens physiques que l'on a, on a des sens astro aussi. Hein? Ouais. On a quatre sens astro, puis des sens physiques naturellement. Ouais. Comme ça, il y a une troisième oreille aussi. Ah oui, l'oreille intérieure, certainement. L'oreille intérieure, ben oui. Ah oui, oui. Dernièrement, il y a un bonhomme qui écrit quelque chose sur le terre là, le troisième oreille. C'est Béline, non? Est-ce que c'est pas Béline? Oui, parce que oui, justement, oui. Ah oui. Oh oui. Ça, c'est avoir la clairaudience. Quand cette lande-là est bien développée, on a tendance à développer soit de la clairaudience ou de la clairvoyance, selon le sens qui est le plus développé. Une personne qui a le sens de vue très développé verra dans l'espace, hein, dans l'hyperespace. L'autre, c'est le sens d'audition, ben, l'entendra. Si, par exemple, quelqu'un avec lequel il est en affinité, lui parle intérieurement, mais en prononçant des paroles, alors elle l'entendra, comme en rêve. Alors, il s'agit de verbaliser les paroles que vous voulez prononcer. Vous voulez verbaliser, vous parlez intérieurement. Puis la personne avec laquelle vous êtes en affinité va l'entendre, ces paroles-là. Ça, c'est facile. Ça se fait. Un très grand nombre le font. Ouais. Alors, ça, c'est la clairaudience, parce que votre oreille est plus sensible que votre oreille. L'autre, c'est la clairaudience. Il y a une autre faculté qui se développe quand le troisième œil est ouvert. On appelle ça la... je sais pas, il y a plusieurs termes que ça. Mais c'est une espèce de kinésie. Vous prenez un objet, par exemple, qui a été manipulé par quelqu'un. Alors, c'est un objet de nature animale, surtout. La cire d'abeille, c'est ce qui est le plus facile à prendre. Alors, vous prenez cet objet-là, immédiatement, vous avez une vision de la personne qui l'a manipulé. Hein? Parce que cette cire d'abeille-là, ou bien un morceau de laine, ben, n'importe quoi qu'elle ait rapporté, quelque chose de nature animale, sera imprégné de la substance de cette personne-là. Alors, vous en avez une image, puis c'est un point de contact. On appelle ça un témoin. Dans des guérisons à distance, on peut prendre un objet comme ça, puis le donner à cette personne-là, on lui dira, porte ça sur toi toute la nuit, tu me le rapporteras demain matin. Alors, le lendemain soir, oui, le lendemain, vous isolez, puis vous pensez à cette personne-là, puis vous formulez une formule thérapeutique, là, puis elle va le sentir. Parce qu'il y a un contact établi, on peut s'en être témoin. Alors, ça demande quelque chose d'animal. La cire d'abeille, c'est ce qui est le plus profitable, le plus efficace dans ce domaine-là. Alors, ce sont des choses qui existent, puis qui ont été mises en application depuis des temps immémoriaux. Puis il y en a qui le font instinctivement. J'ai vu ça à Saint-Denis-Opéra, il y avait un groupe de gens, pas qui étaient psychiques, mais qui étaient familiers avec ces sciences-là. Alors, ils mentionnaient que pour faire de... produire ces phénomènes-là, ça demanderait quelque chose d'animal, la cire d'abeille, ou bien de la laine de mouton, un gilet de laine, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je l'ai constaté plusieurs fois dans ma vie, ça. Et moi, ma méthode pour établir contact, ben, c'est de la cire d'abeille. Hein? Ça, c'est efficace tout de suite. Hein? Alors, ça, c'est efficace immédiatement. Puis on peut le détecter. C'est pareil comme le flair d'un chien. Hein? Un chien, il va pouvoir détecter ce que vous avez porté vous-même, hein? Parce qu'il y a assez de flair pour dire ça appartient à Joe Blow, ça appartient à Alec. Ouais. Alors, ça se fait instinctivement, ça, puis inconsciemment. On dit ça appartient à Firlivy, Cunéconde. Hein. Ce sont des choses subtiles, mais qui existent. On les observe pas. Parfois, on les constate. On dit c'est bien étrange, c'est mystérieux, c'est fantastique. Mais c'est vrai. Si on n'observait plus, on verrait des choses étonnantes comme ça qui se passent. Il y a une question ici. Oui, madame. Pouvez-vous nous parler du centre de la Terre? Ah ben voici, oui. Là, on l'appelle la garde Thor, on l'appelle le paradis des chats. Moi, ils appellent ça le paradis terrestre. Et on a écrit plusieurs volumes à ce sujet-là dernièrement, nommé... c'est Raymond Bernard? Bernard. Raymond Bernard, oui. Alors, parler de la Terre creuse. Alors, il y a 27 ouvertures à travers le centre du globe qui mènent au centre de la Terre, ou à la Terre du centre, si vous voulez. Hein. Bon, imaginez-vous maintenant que nous vivons à la surface d'une croûte terrestre de 30 pieds, 30 000 d'épaisseur. En dedans de ça, il y a du vide, puis en dessous de ça, il y a une boule solide, qui est la Terre intérieure. C'est pareil comme s'il y avait neigé de la poussière cosmique, tombé de la poussière cosmique sur la Terre pendant des millénaires, puis on vit à la surface de cette croûte de poussière-là. Puis dans le Mont Shasta, dans Californie, il y en a peut-être qu'on entend parler de cet endroit-là, le Mont Shasta, il y a une ouverture qui mène au centre de la Terre, à peu près à 2700 pieds de profondeur. Puis là, il y a la végétation, la limitation. Plusieurs y sont allés. Tous ceux qui en ont parlé, Jules Verne, Bulwer Lytton, puis bien d'autres aussi, ont été là, d'une manière ou d'une autre. Edgar Poe. Edgar Allan Poe, mais oui, justement, c'est très bien ça, Edgar Allan Poe, mais oui. Et dans les Appalaches, pas loin d'ici, il a mentionné une ouverture Appalaches. Oui, Edgar Allan Poe, oui. Tous ces gens qui ont écrit des œuvres incroyables comme Jules Verne, justement, très inspirés. Lytton, c'est précieux, ça. Ils ont été chercher de l'information là qu'ils ont ramené à la surface. Oui. Alors, Jules Verne, vous voyez comme il était précis, non seulement dans ses prédictions, mais dans ses constatations aussi qu'on pourra... Tout s'est accompli, sauf le voyage au centre de la Terre, dans son œuvre, je pense que c'est le seul encore à venir. Oui, mais c'est trop peu connu. Mais c'est vrai qu'il y a 7 volumes qui ont été écrits à ce sujet-là. Il y en a 7, hein? Ouais. Moi, je suis familier plutôt avec celui de Bulwer Lytton, hein, et de Jules Verne, et celui de Richard Byrd, hein? un amiral américain de la marine américaine. L'aviation américaine, qui a pénétré 1500 milles à l'intérieur de la Terre. 1500 milles. Puis il est revenu. Il est allé en bateau jusqu'aux terres du Sud, là, terres de feu, hein. Ensuite, ça, en avion, il est rentré 1500 milles à l'intérieur de la Terre. Il a constaté de la végétation, de l'animation, des animaux préhistoriques, des mammouths, les éléphants fourrures. Ouais. Il a commencé à irradier de son avion. Puis on a fait sécher ça. C'était en quelle année que c'était? En 59? Je pense que c'était après-guerre, mais je me souviens après plus. Après la guerre, hein? Oui, bon. Très peu de temps. Alors, il a fait une émission à partir du centre de la Terre. Puis la Russie l'a accepté, mais l'Amérique, on fait cesser ça. Il était 1500 000 à l'intérieur de la Terre. La Terre est creuse. Le volume qui est écrit ou qui a été écrit à son sujet, c'est The Hollow Earth, la Terre creuse, hein? Oui, par Raymond Bernard. Je vous commande ce livre-là, si vous pouvez le trouver. Non. Non? C'est épuisé depuis 10 ans. Ça, je crois, ça n'a jamais reparu sur le marché. Là, c'est les éditions Albin Michel. Vous ne le trouverez pas. Là, les seules places où on peut le trouver, c'est dans des bibliothèques. Oui. Alors, s'il n'a pas déjà été volé. Vous en ferez des polycopies. Il va vous faire des polycopies. Oui. OK. Ouais. On va les attendre. La Terre creuse de Raymond Bernard. C'est authentique. Il n'y a pas d'erreur. Hein. C'était constaté. Puis l'ouverture dont je vous parle, le Mont Shasta en Californie, il y en a 2 ou 3 qui sont allés dernièrement, qui ne sont pas venus. Mais ils vont venir, je crois bien. Ils vont nous dire ce qu'il y avait. Mais Richard Byrd a révélé des choses étonnantes, vraiment étonnantes. Incroyable. On n'ose pas en parler parce qu'on dirait, il est fou. Il y a une conférence qui a été faite là-dessus, hein, en détail. Oui. Vous avez fait une conférence de Terre creuse. Hein? Oui, oui, oui. OK, ouais. Ça, vous pouvez trouver ça dans les cassettes. Je pense que oui, me semble. Hein? Oui. Alors, d'après vous, Alexandre, le secret des Templiers, ce fameux secret des Templiers, c'est quoi? Ce n'est pas si secret que ça. C'est quelque chose que l'on garde par prudence. Mais voyez-vous, on parle de l'ordre des Templiers, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est pas ça, c'est la connaissance des centres initiatiques à l'intérieur de la Terre. Il y en a 27. C'est pas rien que le Mont Shasta. Il y en a 27 centres comme ça. Autrement dit, ils étaient les gardiens du seuil de ces centres initiatiques. Exactement. Château-Lorraine, oui. Ils connaissaient donc les entrées. Oui. Les couloirs qui menaient à ces centres initiatiques. Oui. Ouais. Ensuite, le paradis chaud. Ouais. Le paradis intérieur, le royaume intérieur. Ouais. Est-ce qu'avant eux, les Celtes n'avaient pas aussi cette connaissance? Dans le des druides, il y avait des gardiens aussi. Oui, oui. Château-Lorraine, ils ont entendu parler de ça, Château-Lorraine. Oui. Ça s'est donc transmis comme ça de génération en génération. Oui. Alors, on fait des secrets au sujet de tout, mais il n'y en a pas de secret. C'est garder scrupuleusement pour ne pas ravaler la connaissance, puis corrompre les renseignements. Mais le secret des Templiers, ben, c'est un enseignement qui est précieux, un enseignement initiatique. Hein? Ouais. Et le troisième secret de Fatima, pourquoi est-ce qu'il n'est pas révélé, d'après vous? Ah, le pape avait des scrupules. Il avait des scrupules. Ça concernait son administration ou l'administration du Vatican. Ah, c'est pas mal ça, oui. Alors, mes petites filles, on en dit plus qu'on a relaté, ça va. Et les apparitions actuellement en Yougoslavie de la Vierge, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Ben, dans notre lignée judéo-chrétienne, il y a eu 27 apparitions, hein. Puis en Inde, il y a eu une cinquantaine. Ah. Alors, la Vierge de l'Inde, ou bien la Vierge de la lignée judéo-chrétienne, c'est toute la même entité spirituelle. Ouais. Maintenant, moi, j'ai ma propre conception au sujet de ces choses-là. Vous pouvez faire une projection d'une entité quelconque, une espèce d'égrégore. Bernadette de Soubirous, par exemple, pas à Fatima, c'était à Bernadette de Soubirous. Est-ce que c'était pas à Lourdes, non? Soubirous, c'est à Lourdes, je crois, hein? Oui. Oui. Il y en a eu une autre aussi à... Il y en a eu une autre dont on parlait il y a une vingtaine d'années, je me souviens pas très bien. Mm-hmm. Une jeune fille, petite bergère, passa des heures d'adoration devant un vitrail coloré, exposé au soleil, qui représentait la Vierge. Marie, elle s'extasia devant cette image-là, elle s'en imprégna, à tel point qu'elle pouvait la projeter dans l'espace. Hein? On peut faire ça, faire une projection. Hein? Et quand vous faites une projection comme ça, et que l'espace est psychoplastique, alors elle prend la corporalité. On peut projeter des images dans l'espace aussi bien que les projeter sur du papier ou bien sur un écran psychique quelconque. Ça se fait. C'est pas je me souviens pas du nom. À Garambardal? À Garambardal, oui. Hein? Oui. C'est à Garambardal. Oui, en Espagne? Oui, c'est ça. Bon, justement, en Espagne. Alors, on a constaté que la description que faisait de la Vierge qu'elle avait vue, c'était exactement une réplique du vitrail qu'il y avait dans le monastère des bénédictins, hein? Bon, justement. Alors, c'est un phénomène atmosphérique, parce que l'atmosphère est psychoplastique. Par ça, je veux dire qu'il peut prendre l'aspect de toutes les images qu'on projettera dedans. C'est une projection d'un phosphène lumineux. Exactement, un phosphène lumineux, avec l'intensité du religieux créé par la religion. Alors, c'est un phénomène psychique, d'accord, mais tout à fait naturel. C'est une voie naturelle. Comment est-ce que vous expliquez le fait que la Vierge, par exemple, n'apparaisse jamais dans les civilisations très développées? Pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas à New York, par exemple, ou à Chicago? Pourquoi est-ce que c'est toujours dans des pays très pauvres? L'atmosphère mentale d'une ville comme New York, par exemple, n'est pas favorable à des projections spirituelles comme ça. Mais ça se voit dans les campagnes, surtout. Absolument, chez les bergères, des gens qui sont seuls, puis qui ont toute la nature à leur disposition. Ça a toujours été comme ça, les bergères. Ouais. Alors, non, on ne verra pas ça dans New York. Et récemment, en Italie, cette apparition, la fantomatique sur le toit d'une église qui a duré plusieurs jours et nuits, qui a été filmée et photographiée. Oui, ça, j'ai entendu parler de ça. Qui était un halo lumineux, quoi. Oui, un halo, oui. De lumière. Oui. Oui. Mais il faut ce sont vraiment des phénomènes naturels qui ne sont pas exactement physiques, c'est parapsychique, si vous voulez. Hein? Oui. Mais c'est naturel. Est-ce que vous avez vu ces photos d'Italie? Oui, là, j'ai vu ça, oui. Il faut vraiment leur tordre leurs bras pour leur faire passer ces apparitions-là pour celles de la Vierge, parce que je vois aucun rapport dans le sens que c'est juste une lumière blanche. L'Inde aussi, à Junta, en Inde, on a eu une dizaine en Adjunta qui ont été relatées dans les écrits de je me souviens pas de ce que ça venait d'Agra, je pense, un journal qui venait d'Agra, c'est qu'il y a Taj Mahal, là. Et là, c'est à Shiva, le déesse hindou, qui représentait la Vierge. La Vierge, c'est l'homme de la Terre, n'est-ce pas? C'est l'homme de la Terre, l'animal maudit, ouais. Le côté féminin, ouais. Alors, toutes ces choses-là, c'est étrange. Ça dépasse notre connaissance habituelle. Mais ce sont des faits réels, il y en a trop, ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un phénomène appelé OVNI? Oui, oui. C'était à Saint-Adèle, justement, dans le temps que j'étais avec Claude-Henri Grignon. Oui, un avion, un objet volant comme ça, mon garçon appelait ça une saucisse volante. Une saucisse volante. Slowly sausage. Ouais. Elle était arrêtée à peu près 300 ou 400 pieds au-dessus du sol, et on entendait vrombir. Et il y avait des hublots, une lumière verdâtre qui sortait de là. Puis, ça durait peut-être 5 à 10 minutes. On l'a regardé tout ébahi, comme ça. Puis, à un moment donné, elle montait verticalement, très lentement. Puis, on se sent une vitesse vertigineuse. Elle s'est dirigée en le droit. Et Claude-Henri Grillon m'a appelé. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais comme toi, imbécile. Je regarde ça, ce qu'il y a là. Ben, du moins, ça fait deux nuits que je vois ça. Alors on a appelé Dorval, puis on constatait que sur l'écran, il avait observé, il l'avait repéré sur l'écran. C'était en 1948, 49, je pense, ouais. On l'a bel et bien vu, Vous avez été un pionnier même là-dedans, alors, parce que c'est les toutes premières observations. On était à Yatlo, dans les Grignons, puis il y a quelqu'un qui était là aussi, on était trois qui l'avons vu, puis Dorval a constaté que c'était un fait, que c'est apparu sur leur écran. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu un ovni, quelque chose de bizarre comme ça parmi vous? C'est peut-être possible, oui. Je ne suis pas un cas unique. Hein? Oui. Vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment nous en relater? Faut que tu me comptes ça, ma belle, faut que tu me comptes ça. C'était en 80, à Jean-Pierre. Ah! C'était à peu près 10 heures du soir. Puis, je ne sais pas. Probablement, j'ai souhaité en boire un jour. Puis, déjeuner avant d'aller me coucher, que j'ai fait un petit saut vers la fille. J'étais à Kenogami il y a quelques temps, ben avant ça. Ou à Kenogami, puis à Riverbend, c'est dans ce bout-là. Kenogami, Arvida, Jean-Pierre, Chicoutimi. Oui, ben, je travaillais dans ce bout-là. Je travaillais à l'hôtel de la Royale, là. Ouais, justement. Et puis, Donc, dans ce bout-là, il y en a eu plusieurs manifestations d'OVNI. Oui. Plusieurs. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu de forme ovale. Oui. Avec des fenêtres. Oui, des hublots, c'est ça? Des hublots, c'est oui. Les hublots, disons, c'était des hublots parce que la couleur était différente. Oui. C'était mauve et entouré de jaune. Oui, oui. Et puis ça oscillait. Et puis c'est resté là à peu près 5 minutes. Et puis, où est-ce que moi je demeurais, c'était plus haut. Parce qu'à Jonquière, vous avez des terres qui sont élevées. Oui. Ça veut dire que je l'avais à hauteur des yeux. Mais où est-ce que la survivante était, c'était à Kenogami. C'était plus bas. Donc je l'avais à la hauteur. Je veux dire. Et moi, ce qui est arrivé, c'est. Le même soir-là, j'avais des amis qui étaient qui demeuraient dans ce coin-là, dont une femme qui était peinte et qui s'était endormie dans sa chaise et qui a fait un saut. Elle n'a jamais su pourquoi elle a fait un saut. Moi, le lendemain, j'ai dit, justement, j'ai dit que vous aviez des visiteurs autour de chez vous. Et puis, ça l'avait ébranlé parce qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Une chose comme ça est arrivée à Alma aussi. Oui, Alma, dans ce bout-là. Oui. Oui. C'est en 47, 48, ça. Vous servez Alma, puis. S'il arrive à Ben, K. Price Brothers? J'ai aucune idée, là. La compagnie des Price qui font du bois, là. Price, oui. Kenogami. Kenogami, oui, justement. Je suis sûr que Kenogami a un très gros barrage ici. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont les pieds de temps en temps, pour que ça saute. C'est possible, oui. Là, mais on nous dit, plusieurs informateurs des plans supérieurs nous disent qu'à la fin du siècle, on va avoir des exodes formidables, des flottilles complètes qui vont survoler les centres de civilisation, qui vont survoler le Vatican pour non seulement nous donner une aperçu de la présence, mais nous prouver que vraiment ils existent, puis qu'ils nous surveillent, qu'ils nous protègent aussi. Il n'y aura rien d'étonnant si c'était pas par l'intervention de ces forces-là, qu'ils ont fait sauter des réserves de forces nucléaires, d'énergie nucléaire dans le passé. Il y en a 5 ou 6 qui ont sauté, n'est-ce pas? Aux États-Unis et au Japon aussi. Alors, je pense qu'ils nous surveillent et nous protègent, je crois. Il y a madame, dame qui vient ici, qui est venue déjà ici. Carmen Loranger. Carmen Loranger, qui m'a mis au courant des sciences cosmiques. Hein. Elle parle d'Acheter Sheran, le grand maître de la flottille extraterrestre qui doit venir prochainement, vers 89, je pense qu'il va être ici. Ouais. Alors, toute une flottille. Ils vont survoler le Pentagone, puis le Vatican, mais ce ne sera pas un demi-dizaine, ça va être toute une escadrille. Ouais. Ils vont révéler leur présence définitivement. Pourquoi est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas, ils ne veulent pas nous effrayer, ils ne veulent pas causer de je ne sais pas trop. Mais ils existent, ça, il n'y a pas d'erreur, ça, c'est un fait. Ouais. La réaction des en Espagne, dernièrement, il y a eu une grande flottille qui est passée, 200 ou 300, oui. 200 ou 300. La réaction n'a pas été une panique. Ça n'a pas été une panique du tout. Non. on est familier, on est réconcilié maintenant à leur présence, à leur existence, alors on les accueillera bien. Ils n'ont jamais fait de désordre, ils n'ont jamais fait de dégâts. Jamais. Oui. C'est ça, oui. Et ils atterriront, puis ils se répartiront parmi les foules. Ça, c'est pas mal certain. Puis on trouvera qu'il n'y aura pas tant de différence entre eux et nous qu'on le pense. Ce sont des êtres, des humains d'ailleurs, nos frères de l'espace. Nos amis d'ailleurs, comme dirait Monsieur Schaffner, hein? Nos amis d'ailleurs. Ah oui. Puis on dira, mais on se. Après vous, ça sera des Vénusiens. J'ai tendance à croire, oui. J'ai tendance à croire. Ouais. Ben oui, Vénus est très près de la Terre. Ouais. Ah oui, je crois. Alors, on dira. Welcome home. Ouais. Alors, est-ce que le centre de la Terre serait une base extraterrestre? C'est possible. Plusieurs l'ont prétendu, hein? Plusieurs l'ont prétendu. Parce qu'ils viennent tous de l'Amérique du Sud, surtout, hein? En ligne directe. Les lignes qui ont été tracées par Madame Vallée, c'est pas la Terre de Feu, hein? La Terre de Feu. Alors, oui, c'est pas. On peut croire qu'ils viennent du centre de la Terre. Ouais. En tout cas, le centre de la Terre est creuse. Elle est habitée. Elle est habitée. Ça, c'est fantastique, je veux dire. Ça, c'est audacieux. Hein? Je ne pense pas faire lui, mais ça n'a pas d'importance. Elle est habitée, soyez-en sûr. N'en doutez pas. Ouais. Ouais. OK. Il y a 2 ans, je suis en Amérique du Sud. Oui. Au Pérou. Hein? J'ai rencontré un ingénieur péruvien qui m'a expliqué qu'autour de la Terre, il y avait une espèce de rayon magnétique. La ceinture Allen, oui. La cordillère des Andes, traversait le Pérou, qui ressortait. Ouais. Et puis, il me disait que certains Pérouviens sont initiés à des phénomènes qui seraient causés par ce rayon-là. Oui. Il n'a pas pu m'expliquer plus longuement parce que c'est très caché là-bas. Il mentionne des corridors, hein, oui, qui existent entre les. Exactement. Des corridors. Oui. Et l'or qui a été pris par les Espagnols n'a pas tout été pris pendant... L'affaire de Cortés, oui, tout ça. Exactement, oui. Parce qu'ils ont pu communiquer entre eux, ils en ont caché une grosse partie. Et il m'a dit que le peuple péruvien, certains du peuple savaient où cet or était caché et ils attendaient le retour des dieux. C'est cohérent, ça. C'est cohérent, ça fait... Ils attendaient le retour des dieux blancs pour ressortir leur richesse. Oui. Ils gardaient pour eux autres. Et dans la cordillère des Andes, il y a des choses étonnantes, hein? Il y a des centres initiatiques, hein? Des civilisations qui existent encore dans la forêt andine, hein? Oui. Ah oui, ça existe. En Machu Picchu, puis dans tout ça. Et puis, il me disait ces choses-là. Et puis moi, quand je l'ai rencontré, c'était pas un hasard, là. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, il y a d'autres personnes en Amérique, parce que moi j'étais au Canada, j'ai dit, qui font un travail actuellement, j'ai dit, pour découvrir ces choses-là. Et il m'a dit qu'il n'était pas au courant, mais il était content de le savoir parce qu'il allait le communiquer aux personnes avec qui il travaillait, parce qu'il a dit qu'au Pérou, le gouvernement empêche les gens de se réunir pour parler de ces choses-là. Uh-huh. Il se cache. La conspiration du silence. Et la façon dont il m'a communiqué ce qu'il savait, c'était dans un livre. Le livre était tellement vieux que les pages étaient jaunes et ça s'effritait quasiment. Et puis il avait recouvert avec un journal par-dessus. Et puis il m'a dit, il ne faut pas que tu en parles, je vais te montrer quelque chose. Où est-ce qu'ils prenaient leur enseignement? Et puis c'était un vieux livre qu'ils avaient. Ils se réunissaient, c'était un cercle fermé pour discuter de ces choses-là. Alors quand moi, je l'ai rencontré, je lui ai dit... j'ai des petites nouvelles pour toi. Il y a des choses un peu partout dans le monde qui se passent actuellement. Et puis, il m'a dit, je suis contente de l'apprendre parce que j'en étais peut-être rendue à la question comment faire pour communiquer avec ouais. Mais là, la mentalité populaire se réveille dans tous les endroits du globe, hein? On commence à réaliser que ces choses-là existent véritablement. Ils ont été tenus cachés pendant longtemps, puis il est temps que ça se révèle. On est dans l'âge du Verseau, alors c'est l'âge de l'ère de la connaissance, hein? Oui. Puis dans les cordillères des Andes, il y a des centres où il y a de la connaissance cachée, mais qui est précieuse. On dit, Alexandre, que traditionnellement, la sixième sourate doit naître en Amérique du Nord et la septième en Amérique du Sud, oui, justement. Oui, oui. Hein? Et Madame Carmen, Madame Loranger, là, était, a beaucoup de documentation à ce sujet-là. Il y a deux bouquins extraordinaires aussi là-dessus. C'est le lien universel, le premier. Oui, le lien universel, oui. Thomas 1 et 2, oui. Ah oui, ah ben oui, oui. Ah, ben, oui, c'est deux choses-là, oui. Il y a des choses. Puis son bonhomme, là, son avatar, Ashtar Sheran, hein, il y a des choses précieuses, hein, qui relatent, oui. Alors, vers 89, c'était vers 89 qu'il va arriver. Ils vont survoler le Vatican, puis les gouvernements du monde en Russie, en Amérique, le Pentagone, ils mentionnent le Pentagone. Alors, on voit quelle sorte de face que le pape va faire. Ouais. Oui. C'est ça, la troisième partie du secret, effectivement. C'est possible. Moi, je dis que ça va être la déchéance de l'Église de Rome. Elle va être obligée de s'adapter à de nouvelles conditions, une nouvelle civilisation. Elle a été despotique depuis des siècles, hein? Alors il est en champ de despotisme, Félix. Ouais. Alors ils ont commencé déjà à se préparer. Ouais. Plus de prudence à l'avenir. Est-ce que ça veut dire que l'or du Vatican va commencer à circuler dans le monde? Oui, oui. On va avoir des Jésus de l'or, des Jésus de l'or. Ouais. Puis la banque du Saint-Esprit va s'ouvrir. Oui, j'ai jamais entendu parler ça, la banque du Saint-Esprit. Hein? Puis des Jésus de l'or. Ah oui, des pièces avec le portrait de Jésus dessus. Ah oui. Ah oui. Le Jésus de l'or. Question, madame. Le Saint-Esprit. Oui, madame. Le pape va passer en France, à Lyon, la semaine prochaine, le 13, vendredi 13. Oui. Pensez-vous que les prophéties de notre Madrid, pensez-vous que ça va s'accomplir? Il y en a plusieurs qui sont déjà réalisés. Oui. Nostradamus, oui. Là, il est précisément... Né un mathématicien, c'est un guématrien. Il est question, dans cette prophétie-là, de garde-toi de pénétrer la ville que deux fleuves arrosent. Bon, effectivement, Lyon, c'est Lyon, le Rhône et la Saône. Oui, la Rhône et la Saône, oui. Et puis, mais il date, cette prophétie-là, du jour de la Sainte Lucie. Donc, ce serait au mois de décembre. Oui. Et comme il y est au mois de septembre, il y a quelque chose qui cloche, là, on ne comprend pas. Oui. Mais géographiquement, ça correspond. Une des centuries, je ne me souviens pas laquelle, 29e centurie, je pense, mentionne ça, les deux fleuves. Hein? Oui. Oui. Oui. Mais il y a 6 ou 7 villes dans le monde qui sont arrosées par deux fleuves. Oui, oui. Ouais. Alors, on va voir. Mais c'est censé, il est censé se passer des choses étonnantes, mais dont on soupçonnait un peu l'avènement, en 89. Ça en vient vite, ouais. Oui, ça va aussi avec les prophéties de Nostradamus. Oui, oui. De 89 jusqu'à 99, là, vraiment des événements très, très importants. Oui. Ouais. Voilà. Des bouleversements à tous les niveaux, sociaux, politiques, économiques, religieux. Surtout la mentalité physique. Collective de la race. Pour qu'on réalise qu'on n'est pas des tribus séparées, ni des bourgades séparées. Ça fait partie d'un tout. Ouais. Alors, toutes ces méthodes d'enseignement, théocristique ou autre, vise à ça, faire réaliser l'homogénéité de toute la race. Ne pas être surpris quand la crise sera venue. Ah, non. Ou quand la crise sera venue. Hein? Moi, j'ai jamais vu d'extraterrestres. J'ai vu des ovnis, comme je l'ai dit, là, à Saint-Adèle. Hein? Mais oui, mais les ovnis, ils sont pilotés par quelqu'un. Hein? Ils sont pilotés par quelqu'un. S'il y a un véhicule en marche, il y a un conducteur dedans. Alors, notre bonhomme, Ashtar Sheran, là, il est chef de file de tout un groupe de pilote, hein. Moi, j'interpréterais ça symboliquement comme étant l'initiation du pape. Il va être mis à la même hauteur au niveau de la connaissance que ces gens. Oui. C'est l'intellect. Chez eux, c'est le mental supérieur. Il reste une ou deux questions. On a le temps. Madame. Oui. Ah ben, oui, c'est possible. Mais c'est une réplique de Notre-Dame, n'est-ce pas? Ben, d'abord, c'est construit sur des centres telluriques qui ont une valeur quelconque. il y a une source d'eau en dessous de Notre-Dame, ici à Montréal. Ah oui, absolument, oui, il y a le puits, hein, oui. Ouais, c'est dans un observatoire, ça. Oui, probablement que faut. Je ne suis pas suffisamment familier avec ça. Mais je sais que oui, il y a toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait l'inception de la spiritualité. Il faut de l'eau, hein, d'abord, hein, pour une source d'eau, franchement. Hein. Ce n'est pas d'eau. Hein. Monsieur, est-ce qu'on peut communiquer avec les... Je crois. Je crois. Vous avez lu les œuvres de Adamski, peut-être? Adamski? Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que c'est assez cohérent, ça. Je crois. Or, elle, je l'ai entendu ridiculiser par bien des gens, mais j'en connais rien à son sujet. Elle, Bourillon, c'est Bourillon, n'est-ce pas, ce bonhomme-là? Je sais pas. Tu veux pas faire un terrain d'atterrissage, un beau tapis pour les recevoir? Raël, il est fait fureux pendant un bout de temps, mais je pense pas que ce soit sérieux, ça.